Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous. Bienvenue une nouvelle fois dans l'Estaminerd, votre rendez-vous techno, société, culture pop. Et cette fois, nous sommes en direct et en live sur la chaîne Twitch de notre ami Chris 2. Salut Chris 2. Salut Matt. Merci de nous accueillir. On fait une émission en live chez toi parce qu'on va avoir besoin de discuter avec les gens et d'avoir leur réaction sur le chat. Tu as bien voulu nous prêter ton espace numérique pour cet épisode de l'Estaminerd. Non, c'est une location en fait. Je t'enverrai la facture tout à l'heure. Alors, la facture est adressée à Mr. Yanda. Bonsoir, Yanda. Bonsoir. Je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas solvable. Donc voilà, comme ça, c'est placé. Mais je suis en tout cas ravi d'être là. On peut essayer d'envoyer cette facture à notre ami Valentin. Salut, Valentin. Oui, bonsoir à tous. Alors, excusez-moi, mais je suis en train de regarder un live de Chris. Voilà. Ah, mais c'est bizarre, il y a ma tête dessus. Je suis en train de me regarder moi-même. Hey, tu viens d'apparaître dans ta télé, quoi. C'est dingue. C'est un inception de ouf. Bonsoir, bonsoir. On voulait se retrouver en live avec vous parce qu'on voulait parler de nos collections, de vos collections, de leur vie, de leur style, bref, de tout ça. Rejoignez-nous sur le chat pour parler de tout ça avec nous. Alors, de toute façon, soit vous êtes déjà avec nous sur le chat et vous nous entendez en live, soit vous nous écoutez en podcast et donc le chat est fermé depuis une bonne semaine. Donc, eh bien, rejoignez-nous ce soir exclusivement pour discuter avec nous de vos collections. Le temps que les gens arrivent, on va faire une toute petite aparté. Valentin, j'entends parler de Mafia Raid, de Hocus, de trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, oh là, dis donc, il faut que je fasse ma promo alors. Eh bien, écoute, ce bazar, c'est très simple, c'est une... Pendant ce confinement, j'ai le temps, et j'ai le temps notamment de continuer ma petite série de détournements. Donc je prends des films bien connus de la pop culture, n'est-ce pas? Notamment pas mal de films avec Keanu Reeves, vu que c'est le héros de mon histoire. Et donc, on refait des doublages un peu à la Mosinor, à la classe américaine, à tous ces trucs là et l'idée c'est d'en faire une série de 9 ou 10 épisodes de 10 minutes avec une histoire qui se suit vraiment, qui voit ses personnages évoluer et voilà, et ça va sortir quand ce sera prêt. Je pense qu'il y aura une première fournée de 5 épisodes en courant. J'aimerais bien sortir ça cet été, d'ici cet été, avant la rentrée en septembre, quoi. Et puis on verra la suite et la fin de la série plus tard, quand ces premiers épisodes seront faits. Il y a le pilote qui est déjà disponible sur Dailymotion, si vous voulez le voir. Donc ça s'appelle Hocus, H-O-C-U-S. Et moi, je me suis bien amusé à le faire. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, au tout début, il y a une guest qui est ici ce soir, d'ailleurs, que vous avez entendu il y a quelques minutes à peine. Dans une scène de baston, je suis aussi. T'es dans une scène de baston à la fin aussi, mais on te reconnaît un peu moins, là. Ouais, vas-y, donne-moi mon flingue. Donc, le premier court-métrage, qui était un peu le court-métrage test, s'appelle Mafia Raid. Exactement. Et en fait, ça raconte comment est-ce que Keanu Reeves n'arrive pas à rentrer dans une agence gouvernementale américaine, donc il va se... Alors, une organisation criminelle, mais oui, c'est exactement ça. Il n'arrive pas à rentrer dedans, et exactement, il va chercher à se venger. Et dans le premier épisode de Hocus, on découvre que Keanu Reeves est un gros puceau. Exactement, que c'est un gros puceau, qu'il aime bien le surf, contrairement à son pote Gary, qui lui trouve que les surfeurs, c'est un peu des trucs qu'on n'a plus trop droit de dire maintenant en 2020, donc je vais éviter d'être insultant envers une certaine communauté de personnes. Tu parlais de Digan ? Ça, certes. Exactement. Tout ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux de Valentin et on vous mettra le lien dans la description de ce podcast. Évidemment, j'ai fait exprès de dire podcast. Hein. Évidemment, j'ai failli rater mon effet en plus. J'ai hésité de podcast. Bref. Évidemment, on est chez Chris et à tout seigneur, tout honneur. En plus, on la voit souvent dans ses propres vidéos, sur sa propre chaîne. Je parle bien sûr de sa collection de comics. Chris, est-ce que tu te présentes comme collectionneur ? Non. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Non, pas du tout. Je ne me présente pas comme collectionneur. Parce que je suis plutôt un collectionneur par accueil. On attaque direct, là, parce que t'as pas dit de quoi on allait parler, mais t'as décidé que, paf, on était parti. J'ai dit qu'on allait parler de nos collections, leur vie, leur style, de la collection des gens avec nous sur le chat. D'ailleurs, ils pouvaient nous rejoindre dès maintenant sur le chat pour parler de tout ça avec nous. J'ai pas écouté. J'étais en train de me battre avec la technique, je pense. Peu importe. Faisons comme si tout ça n'était jamais arrivé. je disais donc que non, moi je suis plutôt un collectionneur par accumulation. Donc du coup, j'ai pas de... Tu vois, je ne chasse pas les objets de collection. Je ne chasse pas spécialement les trucs rares ou les signatures ou les originaux. J'ai plutôt tendance à acheter des comics, bah, tout simplement parce que je lis des comics, et ça c'est depuis tout gamin. Et à force d'acheter des comics pour en lire, bah, j'ai eu plein de comics. Et du coup, c'est comme ça qu'à la fin, j'ai eu une collection de comics. Mais je ne collectionne pas nécessairement par principe, on va dire. Ouais, tu cherches pas à accumuler un maximum de BD. Ni à accumuler, ni à... Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui achètent des comics par plaisir, juste pour dire « Ah, j'ai plein de comics, j'en ai plus que toi ». Enfin, c'est un peu réducteur quand même, comme type de collectionnite. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui chassent éventuellement des objets rares ou à tirage limité, des choses comme ça. Et c'est pas trop... Forcément, j'ai des trucs en tirage limité parce que, par exemple, tu vas soutenir certains crowdfunding, des trucs du genre, quoi, tu vois, mais... J'ai pas de... C'est pas de mon objectif, quoi. C'est pas quelque chose que je fais forcément volontairement. Je vais poser la même question à Mister Yanda, mais pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous dire sur le chat, est-ce que vous collectionnez des comics ou autre chose ? Parce que Chris, tu collectionnes aussi autre chose. Tu t'accumules pas, mais t'as quelques guitares, quoi. C'est vrai que j'ai quelques... Je croyais que tu parlais de sa collection de dildo, mais ok, d'accord. Aussi, oui, quelques-uns. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, alors, est-ce que moi, je me présente en tant que collectionneur, c'est ça ? Ouais, est-ce que tu te considères comme collectionneur ? Est-ce que je me considère comme collectionneur ? Je me considère comme collectionneur, oui. Alors un peu dans la même mouvance que Chris, c'est-à-dire un peu cet effet collectionneur par accumulation, mais après il y a certains, alors pas pour le comics du coup, mais sur typiquement les produits dérivés, figurines, statuettes, etc., etc. Au début, je me suis toujours interdit ça parce que c'était un piège. J'avais qu'une fois que j'allais mettre un peu le doigt dedans, c'était foutu. Ça n'a pas loupé. Comme moi, les dildos, soirée. Voilà, ouais. Sauf que c'est pas le doigt que t'as mis dedans, mais bref, enfin, je suppose, mais... Faites attention à l'endroit où vous mettez vos doigts, ouais. Et du coup, donc c'est plus, ouais, par accumulation, mais je vais être aussi, et même sur le comics, en fait, en y réfléchissant bien, attiré, alors pas sur les trucs édition limitée, collector, tout ça, mais par contre, les trucs que je vais trouver joli, où je vais être interpellé par quelque chose qui me plaît, même si c'est pas forcément un titre que je lis ou un truc comme ça. Typiquement sur les variantes de cover VO, ça peut arriver que je prenne une cover parce que je trouve la cover jolie, alors que c'est pas un titre que je lis et que je vais pas forcément le lire non plus. Donc principalement sur de l'accumulation par des séries que je suis, etc. Mais aussi la petite cartouche de temps en temps, le petit plaisir sur un truc qui me plaît et que je trouve joli et que j'ai envie d'agrémenter la collection de cet objet. T'as un exemple là par... Un des exemples qui me viendra en tête là comme ça serait la variante de Tokyo Ghost de Dustin Nguyen qu'il a fait pour le tout dernier numéro. Et j'avais pas lu et suivi la série en VO, je l'ai lu en VF après, quand c'est arrivé chez Urban. Mais du coup voilà, j'ai acheté le dernier single VO, donc le dernier chapitre de la série en VO, juste pour la cover de Stin Nguyen. Et pendant quelques temps, parce que c'est des trucs que je fais tourner, là on voit pas, mais typiquement j'ai celle-là de l'annuel de Batman qui sont mis un peu en devanture au niveau de l'étagère. Au moment, à l'instant où t'as montré à l'image la BD, il y a la face de Valentin en plan d'écoute qui est apparue. Donc en fait, juste au moment où tu l'as montré, on a vu Valentin et on n'a pas vu la BD. Est-ce que tu peux nous remontrer cette cover ? Je remontre la BD, bien évidemment. Là voici, hop, avec le reflet. Tac, je n'ai jamais su faire ça, c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait dans mes vidéos. Voilà. Donc c'est l'annuel de Batman et en fait c'est les singles. C'est bien parce qu'au moins on voit bien la BD et moins ta tête. Parce qu'il y a des fois des gens ils montent des BD et on voit plus leur tête que la BD, mais là au moins. Là on voit bien. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc, alors le format single VO s'y prête plus parce que bah, c'est des fascicules légers et fins. Donc emballé dans une pochette et avec ce qu'on appelle un backboard qui est une espèce de format, enfin de carton derrière rigide pour le tenir debout, et ça tient très bien en présentoir. Et ça m'arrive, je fais un petit peu tourner régulièrement sur les étagères les modèles qui sont pas, ou alors sinon sous cadre, mais ça je vais pas les décrocher. Et du coup j'avais fait ça pour celle de Tokyo Ghost de Dustin Nguyen qui était le dernier numéro, donc j'ai pas lu le dernier numéro pour pas me spoiler l'intégrale, mais j'avais quand même acheté le single pour la variante cover que je trouvais très jolie, typiquement du Dustin Nguyen classique. Ouais, donc en plus tu les mets en expo, c'est de la décoration pour toi quoi. Oui, certains, ça peut, en tout cas les singles VO, oui, parce que bah voilà, il y a principe beaucoup de covers que je trouve jolis et c'est des trucs que j'aime bien mettre comme ça de temps en temps. Ça permet aussi de les sortir de leur boîte, parce que pour le coup les singles VO sont pas rangés comme les beaux hardcovers qu'on a en VF, ils sont dans des shortbox et donc fermés, et voilà, ça les permet de prendre l'air un petit peu, et ça fait un visuel qui tourne un peu comme dans un magasin, tu vois, on a ce sentiment de nouveauté dans la pièce, alors qu'on n'a rien changé au fond. Et juste pour se roder entre nous ce soir, on explique un peu le jargon, ce que c'est que single, ce que c'est hardcover, tout ça, ou on dit que les gens ont qu'à aller chercher sur Google? Non, on peut l'expliquer, ouais, on peut l'expliquer. Tu veux, je t'en prie. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce qu'un single? Alors, le single, c'est le format VO, donc c'est le format d'origine du comics, donc c'est ce qu'on appelle un fascicule, donc c'est un feuillet, on va dire, léger, format souple, une trentaine de pages aujourd'hui, je dirais, avec pub, et donc ça, c'est de la VO. Ça n'existe pas en France au format tel quel. Sur la France, on est plus sur ce qu'on appelle donc du hardcover ou du softcover, qui est un relié qui va comprendre en moyenne 6 fascicules, mais qui par contre est avec une reliure, un format en dur, plus imposant, plus typiquement ce qu'on a nous habituellement en Europe, le format franco-belge, le format BD traditionnel. Sur le chat, il y a Schizophile qui nous dit « Je dois avoir 400 volumes librairie, mais je ne me considère pas comme un collectionneur, je suis un lecteur, donc forcément, bah, ce que je peux lire s'ajoute, les livres s'ajoutent les uns aux autres. » En fait, ouais, c'est le même profil que Chris, en fait. C'est pas de la recherche de collection, c'est l'accumulation de tes lectures. C'est la même pour moi, c'est, je recherche pas à collectionner de manière précise ou à mettre en valeur certaines choses d'une manière particulière, ou absolument à trouver une rareté ou quoi que ce soit, mais effectivement j'achète pour le plaisir de la lecture, et c'est pour ça que ça s'accumule, mais je me considère pas non plus comme un collectionneur, même si j'ai une collection. Voilà, ce sera la punchline de ce soir, mais par contre je suis content de ma bibliothèque, que les gens la voient quand ils viennent chez moi. Je parle toujours de ma bibliothèque, et du coup voilà, je suis assez fier de cette collection là. Mais du coup, tu, en préparant l'émission, tu disais que tu n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de bouquins. À partir de combien de bouquins on est collectionneur? Alors, je pense que être collectionneur ne se définit pas par le nombre de bouquins que tu as chez toi. Je suis d'ailleurs bien incapable de te donner une définition du collectionneur. Mais par contre, oui, en effet, j'ai pas tant que ça de bouquins, contrairement à vous trois déjà, et contrairement à pas mal de gens qui sont sur ce chat. J'ai emprunté pas mal, j'ai emprunté pas mal de bouquins. T'en as volé beaucoup aussi, tu peux dire. J'en ai volé énormément, mais que je laisse pas chez moi, parce que comme je me trouve honteux après, je les jette. Donc, Val vient chez toi te voler tes livres et tu les retrouves dans le caniveau après, quoi. Exactement. Voilà. Non, mais du coup, par contre, j'ai toute une étagère, enfin, un meuble entier de fascicules. Justement, donc qui est rempli de fascicules. C'est assez sobre, voire austère, mais moi j'aime bien cette succession de couvertures noires de fascicules urbaines. J'aime bien, et donc toute ma collection au final se concentre surtout là-dessus, ce qui fait que j'ai pas tant que ça de hardcover au final, quoi. Les fascicules, donc, c'est des formats kiosques, en fait. C'est les trucs. Exactement. Chez les marchands de journaux, jusqu'à... Exactement. Yanda parlait tout à l'heure des feuillets de 30 pages, donc les singles. Et ben en France, ils sont regroupés dans des... C'est le format qui se rapproche le plus, en fait, au niveau taille et tout ça. Mais il y a plusieurs singles dans un kiosque français, VF. Il y a plusieurs singles VO dans un kiosque français, VF. Bah sur le chat, ça rejoint un peu vos fonctionnements. Hein. Il y a Gigos qui est pareil que Yanda, il collectionne les covers VO et certaines blanques pour faire de la décoration. Puis des gens comme Joker où c'est plutôt de l'accumulation au fur et à mesure de leur lecture. Moi j'ai un gros problème de collectionnite, c'est une vraie névrose. Et donc ça va nous permettre de balancer la première anecdote de la soirée, car je sais que vous êtes férus de toutes ces petites anecdotes. Alors moi c'est maladif et ça fait partie des trucs héréditaires, parce que mon père est un gros collectionneur de disques vinyles, 45 et albums évidemment, et du coup il en a fait son boulot, aujourd'hui il revend des trucs, tu vois. Et en fait, moi, ça, j'ai toujours, quand j'ai une pièce, il faut que j'ai les autres en fait. Et donc depuis tout petit, et je conserve les trucs, et j'aime pas quand ils s'habillent, mais même le moindre porte-clés pourri que Tati t'a rapporté d'une montagne pour où aller tu sors en vacances, le moindre truc prend de l'importance. Et donc l'anecdote arrive. Il y a quelques années, dans un kiosque de Panini, était offert avec le magazine, dans le blister, une figurine Heroclix. Je sais pas si vous vous souvenez des Heroclix. Ah oui, j'en ai quelques-unes, ouais. Qui étaient du coup des mini-figurines avec lesquelles tu pouvais jouer et tout. C'est ça, qui ont un socle tournant avec des valeurs de points pour les attaques, défense et tout ça, ouais. Et qui représentait des persos de comics, c'était pas inintéressant parce que ton personnage évoluait en fait, ce qui permettait de faire en sorte qu'un personnage qui avait pas une grande force, par exemple, quand il prenait des coups, genre la figurine de Hulk, quand elle prenait des coups, elle perdait des points de vie, mais elle gagnait en attaque parce qu'elle gagnait en rage. Donc ça permettait de faire évoluer ta créature au cours du combat. Le principe était bien, la réal des figurines était assez... Ouais, pour le prix, pour le prix, moi je trouve ça plutôt sympa, tu vois, c'est des trucs hyper légers et tout, c'est un peu fragile et tout ça, mais je trouve que c'est d'assez bonne facture compte tenu du prix assez dérisoire. On remercie les petits enfants chinois qui ont peint toutes ces figurines, voilà. Donc j'achète ce magazine, et dans ce magazine, il y a donc une figurine qui doit être de mémoire une figurine des 4 Fantastiques, qu'on est d'accord que je n'ai pas demandé, pour lequel je n'ai rien, et donc j'ai une figurine des 4 Fantastiques. Je dis, ah, attends, il faut que je complète et tout. Donc je suis allé sur des sites genre eBay ou des trucs comme ça. J'ai commencé à acheter des lots en me disant, je vais acheter des lots, machin. Et puis, parce que tu avais plusieurs déclinaisons. Il y avait des niveaux rookie, des niveaux experts et puis des niveaux balèzes en fait sur tes figurines. Et du coup, chaque figurine existait en 3 versions. Donc je me dis, je vais acheter des lots où les mecs les vendaient par 200 ou 300, tu vois, ce qui est normal quand on n'a qu'une seule. Et puis après, avec les doubles, je vais refaire moi-même des lots et les revendre et tout ça, machin. Y a des étagères derrière moi pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que les plateaux des étagères font 80 cm par 40 cm de profondeur. J'avais 3 plateaux d'étagères pleins de ces figurines à la fin du premier mois. Donc j'en avais, mais laisse tomber combien. J'avais déjà monté mon auto-entreprise. J'étais en train de faire des... Et juste parce que... Parce qu'il y avait une figurine cadeau au début, hein, on parle de, tu vois, de l'accumulation comme ça, quoi. Et j'ai fini par arrêter d'en acheter et puis rapidement par les regarder en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et donc par tout revendre, quoi. Donc j'en ai eu une. Un mois après, j'en avais, allez, facile, 5 ou 600, tranquille. Et puis 3 mois après, j'avais plus rien, j'ai revendu parce que en fait, ça sert à rien. Mais mon premier réflexe, quand j'entame un truc qui peut être un truc de collection, c'est de me dire, il faut que j'accumule voilà, tous ceux qui restent derrière, quoi. Donc oui, moi j'ai un gros problème avec tout ça. Et donc c'est pas que de l'accumulation, c'est aussi rechercher des éléments de collection. Alors par contre, moi je comprends ton angoisse de... Moi j'ai un peu la même chose avec les numéros. J'ai des notamment la première série Aquaman publiée par Urban. C'était pendant les New 52. J'ai que les 3 premiers numéros et il va falloir que je... Dès que je peux me le permettre, en fait, je vais devoir acheter les numéros qui me manquent parce que ça m'emmerde de savoir que la collection est pas complète alors qu'il me manque que 3 volumes, je crois, si j'ai pas de bêtises, bref. Et du coup, ouais, d'avoir quelque chose d'incomplet, ça me pèse aussi un peu sur la conscience, je t'avoue. Et alors du coup, incomplet, mais qui se suivent, c'est-à-dire que là, par exemple, sur ton exemple d'Aquaman, les numéros que tu as se suivent, ouais. Mais oui, tu ouais, n'as ouais. pas la suite. C'est ça, j'ai pas la okay, suite. Ça ne m'arrive pas, alors de mémoire, je n'ai rien, j'ai aucune collection où j'aurais le numéro 1 et le numéro 5, par exemple. Ouais. Sauf là, j'ai acheté il y a quelques jours, parce que c'était dans mon carrefour en face de chez moi, les bouquins Marvel à 3 euros, à 3 balles, un truc comme ça. Ceux-là sont numérotés, Et quand j'ai vu ça, je ferai les fumiers. Mais je pense que je vais pas. Pour le coup, c'est peut-être la seule exception où je vais laisser. Tant pis, j'ai le numéro le 3, le 6, le 9. Mais bon, c'est pas grave quoi. J'ai eu le même problème avec Super Mario 64. J'avais pas fait les 63 autres avant. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais réussir à prendre en cours de route? Je voulais revenir par contre sur la notion de à partir de quand on est collectionneur. Parce que moi, tu vois, j'avais eu une conversation avec la nana de mon assurance. Parce que quand tu commences à avoir une grosse bibliothèque, tu te dis. Parce qu'à chaque fois, la blague que les gens te font quand ils voient ta bibliothèque, c'est oh, bah dis donc, faut pas qu'il y ait un incendie. Oui, c'est très drôle, vraiment. C'est vraiment le truc qui me fait rire. J'avoue, c'est vrai que cette idée m'amuse beaucoup. Même quand t'as pas de bibliothèque, il faut pas qu'il y ait d'incendie chez toi. C'est cher. Mais, c'est, alors voilà, moi je pars de ce principe-là. Mais enfin bon, visiblement, le fait d'avoir une bibliothèque augmente le fait. Ton risque d'incendie. Pas, voilà, qu'il faut pas que t'aies un incendie chez toi. Et en fait, la définition de la collection d'après une assurance, elle est très précise, si on peut dire. Puisqu'une collection, c'est une série d'objets qui forment un tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir une collection d'œuvres d'un artiste, et donc tu vas avoir 10 tableaux d'un même artiste, et donc tu auras une collection de cet artiste. Donc finalement, pour vos assurances, eh ben, le fait d'avoir 50 000 bouquins chez vous, bah, elles s'en bat un peu les couilles, parce que c'est des objets qui, en eux-mêmes, séparément, n'ont pas de valeur. Donc, la bibliothèque n'a pas de valeur pour votre assurance. Voilà. Oui, et que pour former un tout, il faudrait que tu aies tous les numéros de toutes les séries, quoi. Donc, si tu manques juste le tome 3 d'une série parmi tes 50 000 bouquins, par exemple, t'es baisé, bah voilà. Et donc, non, ouais, et encore, en fait, le truc, c'est vraiment, il faut que les objets en eux-mêmes aient déjà une certaine valeur. Tu vois, il faut que ça soit une collection d'objets d'art, une collection de. Moi, je m'étais notamment renseigné par rapport à tout ce qui était mon matériel de musique, plutôt, et ça, t'as vraiment des options chez les assureurs qui existent parce que c'est des objets qui ont déjà une certaine valeur, mais pour des collections d'accumulation, c'est-à-dire à moins peut-être que si tu as Action Comics 1, Detective Comics 27, etc. dans ta bibliothèque, peut-être que là tes assureurs vont peut-être te proposer des trucs, mais si c'est juste que tu as acheté tous les vieux kiosques Semic et que tu as beau spéculer dessus sur eBay et les revendre 40 balles pièce, bah, pour ton assurance ça n'a pas de valeur. Donc en fait, à partir de quand on est collectionneur, bah, visiblement pour les assurances, à partir du moment où on a beaucoup d'argent et qu'on achète des Picasso, et je parle pas des voitures, mais pour les. Si t'as 10 comics, t'as déjà une petite collection de comics, par exemple. Donc il y a un gros truc chez les collectionneurs, c'est qui a la plus grosse. Hein, on aime bien ça. Là, dans le chat tout à l'heure, ça discutait de. Mais je vous ai amené ce soir le seul et l'unique, l'objet de tous les fantasmes, mon cahier, le cahier de ma collection. Donc on pourra savoir exactement combien j'ai de comics dans ma collection à l'instant T. Voilà. Excellent. T'as préparé ou tu vas les compter devant nous? Non, on va les compter tous ensemble. Alors. On commence par Strange numéro 67, de mémoire qui doit être sorti en 75 et qui est un de mes plus vieux comics en VF. Petite anecdote de date. Il y a Kev Comics sur le chat qui nous dit que lui, il a besoin que les BD soient en parfait état. Est-ce que vous faites attention à l'état des objets que vous rentrez dans votre collection? C'est pour tout. Hein. C'est même pour les DVD, les Blu-ray et tout. Je suis hyper maniaque. Hein. Même pour tes compagnes? Faut qu'elles soient en parfait état. Elles sont en parfait état. Ouais, je les ai jamais touchées. C'est d'ailleurs pour penser à qu'elles se barrent parce que du coup. Je suis vraiment hyper maniaque là-dessus et quand je prête mes bouquins, je suis de nature prêteuse, donc je le fais avec bonne volonté. Mais par contre, il y a toujours un moment où après coup, je fais merde. J'espère que cette personne va me le rendre en bon état. Mais je fais super gaffe à ça. Ouais, je le suis assez aussi. Et du coup, ça a des... Alors, pas des répercussions, mais typiquement, mon épouse sait que je suis maniaque et du coup, elle flippe un peu quand elle va m'acheter un bouquin ou quand s'il est emballé et que je l'ouvre. Sa première réaction, c'est de... savoir si l'esthétique est validée, tu vois. Et si ça va, si c'est bon, ou si jamais il faut l'échanger. Et en général, elle me dit si ça va pas, s'il est abîmé ou si ça te va pas, tu me dis, je l'échange. La pauvre, je l'ai fait entrer de force dans ma névrose. Mais ouais, j'ai assez tendance à effectivement regarder ça. Il y a un gros drame dans ma collection qui est sur les kiosques, en plus c'est des trucs pétés, mais les kiosques, les premiers Batman Saga d'Urban, j'ai un des premiers numéros, je crois que c'est le 4 ou un des premiers, où j'ai une page à l'intérieur qui se décolle, qui s'est décollée. Elle est décollée, la page. Je le sais, tu vois. Donc le bouquin, je ne l'ouvre plus. il est dans ma collection. Je ne l'ouvre plus. Alors en plus, aujourd'hui, ces kiosques-là, c'est introuvable ou alors à des prix, les mecs sont fous. Donc voilà, je le garde. Je ne l'ouvrirai plus jamais. Il est là. Mais je sais à l'intérieur, quand je passe devant, tu sais, j'ai un peu le même du mec, du gamin qui a la larme qui coule le long de sa joue en disant ah, voilà, je sais, cette page-là, je sais que tu sais, et lui aussi, il sait que je sais. Donc, on se sait, nous sachons. Mais du coup, voilà, c'est, ouais, j'ai assez tendance à être. Alors, avec ça, avec en fait, tout ce qui va être en général des trucs auxquels j'attache de l'importance. Alors, autant tout ce qui va être boîtier DVD, boîtier jeux vidéo et tout ça. Joseph complètement, mais alors par contre ouais, c'est vrai que les bouquins, figurines, l'ausculter sous toutes les coutures possibles, et si elle a un pet de travers, je suis pas bien quoi. Ouais. J'ai un problème avec j'ai sorti mon édition de Bubblegum Crisis, qui est une BD d'un auteur américain qui s'appelle Adam Warren. Et en fait, regardez toute la colle, voilà, toutes les pages viennent pas en fait. C'est comme si c'était elles sont indépendantes quoi. Des feuilles volantes, voilà. Tu peux tout est séparé. Et alors, je me dis, j'ai une autre BD avec lequel j'ai le même souci, et je viens de réaliser que c'est une BD du même auteur. C'est un autre truc de Adam Warren qui était sorti chez Milady à l'époque, s'appelle Empowered, il y a 4 tomes. C'est pas oufissime, hein, c'est une super héroïne qui a pas de pouvoir et qui se retrouve en permanence en petite tenue ligotée à des chaises, tu vois, c'est un peu BD bondage, enfin faussement olé olé quoi. Et c'est pareil, l'édition de Milady, les feuillets se barraient, les cahiers se barrent. Alors il y a peut-être un problème avec les BD d'Adam Warren, donc faites attention, le truc se barre. Et du coup, t'as pas le choix, c'est la seule édition qu'il y a pour cette bouquin, donc comment tu veux faire pour. Après, moi, il y a un truc qui m'a. Pardon. Il y a Schizophile, pardon, qui met un point intéressant dans le chat, qui dit « J'achète jamais un livre abîmé, mais j'aime bien mes vieux comics qui se sont usés à force d'être lus. » Il y a une petite nuance qui est intéressante. Mais quand c'est des vieux... J'ai quelques vieux singles, des trucs super vieux que j'ai trouvés en brocante ou des trucs comme ça, et pour le coup, je suis limite plus heureux de voir qu'ils sont un peu écornés, abîmés, que s'ils étaient vraiment en parfait état, nickel, pour des comics qui dateraient des années 70 ou 80, par exemple. Je suis assez... je comprends tout à fait ce délire du vintage, en fait, et de il faut que ce soit usé. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'il dit, mais que j'aime bien, moi, quand c'est usé et que ça a fait preuve de l'épreuve du temps, j'ai envie de dire. Voilà. Alors... J'ai une anecdote qui va réveiller les vieux qui nous écoutent, puisque je suis un peu plus vieux que vous. Dans ma jeunesse, il y a quelque chose qui m'a appris à finalement négliger ce côté abîmé ou pas. À l'époque de Strange, de Titan et à la grandeur de Lug et de Semic, les BD sortaient en kiosque tous les mois, et les BD qui avaient été pas vendus du coup étaient compilés, on les prenait par trois, elles étaient dans une surcouverture, et tu pouvais acheter 6 mois après les trois BD d'un trimestre. Et donc en fait c'était les BD invendus qui étaient recollés dans une surcouverture. Et du coup avec mon frère, nous on achetait ce truc là, puis après on voulait quand même faire genre on avait les vrais BD, tu vois, donc la surcouverture on l'arrachait. Donc tu défonces complètement toute la colle du dos de ta BD, et puis comme de toute façon tu peux plus lire le titre de ta BD, ton Titan, ton Strange dessus, nous on le réécrivait au bic Titan 54, je dois en avoir quelque part des comme ça, et du coup très très très rapidement une partie de ta collection est composée de BD qui n'ont plus littéralement de dos et de vernis, et sur lesquels tu as réécrit toi-même le numéro quoi. Et en fait ça t'apprend à vivre avec des bouquins que t'as un peu voilà ken et abîmé et tout genre de choses. Donc ouais, faut pas regarder le dos de nos vieux Strange. Je sais pas si il y en a qui avaient, vous êtes assez vieux pour avoir connu ces éditions là ces rééditions trimestrielles de ouais, ça existait assez longtemps. Ouais, ça existait aussi avec les pockets chez Semic, avec les petits formats Semic, les albums reliés comme ça, ça existait assez longtemps. Ouais. L'autre truc qui nous a appris à vivre avec nos... à accepter dans nos collections des albums un peu abîmés, c'est les services de presse. Puisque bah, tu les reçois, mais voilà, s'ils ont été un peu tapés dans le transport, c'est pas de ta faute, tu peux pas les échanger pour le coup. C'est quoi, Chris, les services de presse ? Les services de presse. Chris, raconte-nous les services de presse. Est-ce que tu connais bien ça, toi? Tu connais bien vraiment sûr, bien les services de presse. Je ne vis que pour l'argent. Soutenez-moi sur Utip, le lien est dans les infos sur la chaîne. Et les liens affiliation et le code créateur. On le rappelle encore une fois. Et le code créateur, ouais. Bah écoute, les liens affiliation sur nos services de presse. Il faut encore trouver comment mettre ça, mais je vais m'en occuper. les services de presse, en fait, à partir du moment où tu es chroniqueur, youtubeur, blogueur, appelle ça comme tu veux, à partir du moment où sur internet tu produis du contenu qui est lié à de la BD ou à du cinéma ou à n'importe quel média ou du jeu vidéo, du jeu de société, peu importe. Eh bien, tu peux contacter les éditeurs, leur présenter ton travail et leur dire voilà, si vous voulez que je mette un petit peu en avant vos sorties et que je les critique parce que c'est un point important de l'histoire, vous pouvez me les envoyer. Cela ne t'engage pas à en faire une critique positive. Ce n'est pas rémunéré, c'est pas une publicité. C'est juste qu'en gros, on va te faire parvenir le bouquin et que tu vas pouvoir donner ton avis dessus. Un petit peu avant tout le monde, ou en tout cas pour le jour de la sortie dans l'idéal. Bon, ça dépend des éditeurs, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins réactifs. Si ça passe par l'Italie, c'est un peu plus long, parce que c'est le temps, c'est maintenant, bon, avec les fax et tout. Et en gros, c'est ça les services de presse. C'est la possibilité d'avoir un petit peu avant un bouquin pour donner ton avis dessus. Sans que jamais, moi jusqu'à présent, on ne vienne me reprocher ce que j'ai raconté. Voilà. Alors voilà, très concrètement, les éditeurs envoient des bouquins aux blogueurs, aux influenceurs. On le teste, allez, les influenceurs. Enfin, moi, j'en ai reçu beaucoup à l'époque de la sélection comics, quand je faisais du coup une chronique radio sur les comics, où je recevais vraiment beaucoup de services de presse. Toi, t'en reçois un peu pour Comics Race et pour tes différentes chroniques. Yanda, tu croques un peu, tu prends du SP ou J'en ai eu, ouais, là, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit moment que je n'en ai moi-même pas demandé, et donc, par la force des choses, si je demande pas, on m'en envoie pas, mais c'est normal. Après, alors, il y a un petit point qui, du coup, est une spécificité la plus, en tout cas, un médium de niche comme est le comics, ce qui n'est pas forcément le cas partout, c'est-à-dire que, à ma connaissance, la majorité des SP qui sont envoyés aux différents influenceurs, que ce soit sur YouTube, blog, etc., etc., ça reste juste le livre. Il n'y a pas de participation financière derrière, comme ça peut être le cas, même si tu restes dans un secteur culturel, dans le secteur du bouquin, du livre et du roman. Tu vas avoir des maisons d'édition de romans qui vont faire passer dans du service presse auprès de différents influenceurs, ils vont t'envoyer le livre, mais en plus de ça, tu vas avoir un chèque derrière pour faire une chronique ou même juste un post Instagram ou des choses comme ça. Donc voilà, nous dans le comics, et en tout cas dans tous les gens que j'ai côtoyés et qui ont eu du service presse et dont moi, c'est des livres qu'on demande et qu'après on reçoit et en contrepartie pour lesquels on fait une chronique. Mais comme l'a dit Chris, il y a un point qui est important, comme on est sur le service de presse, l'engagement tacite et, qui est pris quand tu demandes un SP et que tu le reçois, c'est d'en faire une chronique, qu'elle soit positive ou négative. Et en plus, dans l'absolu, l'éditeur, à ma connaissance, il s'en cogne. En fait, l'idée, c'est que tu parles du bouquin. Oui, en bien, c'est mieux, mais si maintenant t'as pas aimé le bouquin et que tu expliques pourquoi t'as pas aimé le bouquin... Enfin, comme l'a dit Chris, et ça a été le cas aussi, je sais, sur lescomics.fr, sur des bouquins qu'il y a eu envoyés en SP pour lesquels on n'a pas aimé et pour lesquels on n'a pas forcément dit du bien. Alors je dis on, mais moi ça n'a pas été mon cas, mais pour une raison, je vais expliquer juste après. On n'a jamais eu de reproche d'éditeur en disant oui, vous avez quand même saqué mon bouquin. Voilà, c'est pas du tout l'idée. Moi, c'est vrai que sur les quelques SP que j'ai pu avoir. Je ne suis jamais tombé dans le cas où j'ai pas aimé le bouquin pour une raison très simple, c'est que comme c'est moi qui les demande, je sais ce que je demande et je demande en règle générale des bouquins que je sais que j'aime bien ou que pour l'avoir lu un petit peu avant en version numérique parce que les éditeurs proposent ça aussi pour les influenceurs de divers médiums la possibilité de consulter en version numérique ce qu'ils appellent des épreuves. Donc en fait c'est le fichier PDF avec un gros watermark de l'édition dessus, histoire d'éviter que ça se circule après sur différents sites. Un watermark sites. C'est qu'au milieu de la page il y a un filtre avec marqué le nom de l'éditeur, du coup si tu Exactement. Le balances sur internet on sait que c'est toi qui as fait fuiter le truc quoi. Exactement, et puis c'est surtout pas très lisible et ça n'intéresse pas les gens puisque ça reste un petit peu comme ce qu'on appelait les screeners à l'époque de Imul les Casas. du coup... donc c'est voilà, comme si t'écoutais un disque avec un mec qui est en permanence à côté de toi en train de dire « Tu l'as chopé chez Universal, Universal ouais, !» Attends, tu m'empêches un peu d'écouter la trompette là. Non, mais tu l'as eu chez... C'est un peu ça. Il y en a dans l'audio aussi d'ailleurs, hein, des mecs qui mettent les watermarks, notamment bah, sur les prods et sur les instrus. Les mecs vont glisser de temps en temps. Pour en revenir aux comics, du coup, voilà, on a accès aux épreuves PDF, donc qui pour le coup sont dispo plusieurs mois avant. Et je sais que moi, quand je demande des SP de temps en temps, je vais en général faire ça. C'est-à-dire que je vais faire une première sélection un peu pour tester. Et s'il y a des trucs que je connais pas, je le prends d'abord en PDF. Et si j'aime pas, je laisse tomber. Parce qu'en plus, je n'aime pas même physiquement avoir un bouquin, que ça soit un SP ou encore plus un bouquin que j'ai payé et que j'aime pas. Je vois pas l'intérêt. Ça reste un plaisir et une collection, mais à la base un plaisir qui coûte cher et qui représente un budget. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses que j'aime dans ma collection et que j'ai aimé lire et que du coup j'aimerais relire. Mais voilà, ce qui me permet moi de demander en SP des titres dont je suis sûr justement que je vais aimer et que je vais pouvoir en dire du bien. Sur le chat, il y a Ludo Overdose qui nous dit « Quand tu dis du mal, les éditeurs ne se plaignent pas, mais bizarrement, ils t'envoient moins de SP. » Écoute, c'est sûrement la façon dont on le fait, puisque moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir beaucoup de liberté dans ce que je peux dire sur les bouquins. Et ça m'est arrivé de dire du mal de bouquins d'éditeurs dont je me sens plus proche. Enfin, c'est pas une question d'être proche, genre on fonctionne main dans la main, mais en fait, les éditeurs, c'est aussi des humains. Les attachés de presse, les mecs qui bossent dans le bouquin, et donc il y a des gens avec qui tu as un feeling, avec qui tu t'entends mieux. Et je sais que il y a par exemple il y a des bouquins comme Giant Days chez Akileos que Chris aime beaucoup, que moi j'ai pas aimé. Moi j'ai fait une chronique en expliquant pourquoi ce truc me parle pas et pourquoi est-ce que ça voilà, c'est ça... parce que t'as mauvais goût, ça n'a rien à voir, c'est pas du c'est tout possible. Dû au bouquin, mais à partir du moment où tu expliques bien pourquoi t'as mauvais goût et que tu te contentes pas de réclamer des SP, de faire un papier où tu dis juste c'est de la merde et de revendre le bouquin deux jours après sur internet, ça passe en fait. À partir du moment où tu sais structurer ton argumentaire et expliquer pourquoi t'aimes pas, finalement c'est aussi un éclairage qui peut être intéressant, de la même façon que quand n'importe qui va critiquer ton boulot. Vous qui écoutez ce podcast, quand vous nous envoyez des 5 étoiles sur iTunes, c'est très gentil. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas de pouce rouge, dites plutôt dans les commentaires ce qu'il faudrait améliorer, de façon à nous aider à progresser. Et c'est exactement en fait, ce qu'il faut faire quand tu fais la chronique d'un comics que t'as pas aimé. C'est une question de présentation de la chose. Je pense que... Bon, là, on dérive un peu sur la critique plus que sur la collection, au final, mais... Parler des SP, c'était l'occasion, c'était important. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, par exemple, quand j'aime pas un bouquin, je vais aussi chercher à savoir à qui il s'adresse. C'est-à-dire que quand tu me files des trucs... qui sont je sais pas je prends toujours l'exemple de Miss Marvel parce que c'est très parlant et puis tout le monde connaît un peu voit un peu à quoi ça ressemble. Miss Marvel, moi je suis pas du tout client, donc je vais te dire que c'est pas foncièrement mauvais, mais je veux dire je lis Miss Marvel, je suis pas spécialement transporté, je suis pas à fond dedans, ça m'évoque pas grand chose, mais parce que Miss Marvel c'est plutôt écrit pour des jeunes lecteurs qui découvrent les comics et qui ont genre 12-13 ans, donc forcément quand t'es vieux et que tu lis des comics depuis 20 ans, eh ben Miss Marvel ça n'évoque rien chez toi, donc plutôt que de dire bah c'est nul, c'est vraiment de la merde, l'histoire elle est pourrie, c'est normal, c'est pas écrit pour toi, dis plutôt si vous êtes le public visé, enfin, faut se mettre à la place de la personne qui est aussi visée, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on va être capable de catégoriser des films, mais le lecteur de comics un peu lambda, si je peux me permettre, oui, je vais me permettre de vous mépriser un peu ce soir. Attends, on parle d'un mec, ça fait 5 ans qu'il fait des vidéos en disant « pauvre mortel », et là, c'est ce soir qu'il méprise un peu les gens. Voilà, le lecteur de comics standard a tendance à croire que tous les comics ont été écrits pour lui. Genre tous les comics ont été écrits pour moi et puis si j'aime pas c'est que c'est nul. Mais non, c'est juste que tous les comics sont pas écrits pour toi. Voilà. Donc effectivement il y a des trucs que t'aimes pas parce que c'est pas écrit pour toi. Tout comme quand t'as 40 ans et que tu sors du ciné en disant oh bah la Reine des Neiges 2 c'était vraiment nul. Bon bah je veux dire est-ce que tu rêvais de danser dans ta robe de princesse avec un bonhomme de neige? Non, bon, c'est peut-être pour ça que t'as trouvé ça nul, parce que c'est pas fait pour toi. Tu me connais pas, Chris, ok? Tu me connais pas, quitter pour me juger, putain! Tu me juges! Tout ça pour dire, on a un peu dévié sur le service de presse. Mon point d'accroche, c'était de dire que quand tu reçois un service de presse et que des fois il est un peu bugné sur le côté, bah tu le rentres quand même, si tu l'aimes bien, tu le rentres quand même dans ta collection. Tu peux pas le renvoyer à l'éditeur en disant « Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un exemplaire clean du truc, quoi ?» Bon, après, il y en a qui abusent. Il y a des services de presse où tu vois que c'est les retours de magasins qui ont été lacérés au cutter et tout, et que les trucs sont revenus en stock et que c'est ça qu'on envoie à la presse. Bon, des fois, c'est un peu cradouille, quoi. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un truc que j'ai transmis à mon fils, et ça avait fait beaucoup rire ma femme d'ailleurs, que lorsqu'on va dans une boutique librairie ou autre pour chercher des livres, pour lui, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'une fois, il est allé avec sa mère donc dans le rayon et il a commencé à regarder, il a dit « Ah ouais, celui-là, il est bien et tout machin », et sa mère lui dit « Bah ok, vas-y, prends-le ». Et en fait, elle l'a vu du coup prendre le deuxième et elle lui a dit « Mais pourquoi tu prends pas le premier, c'est le même ?» Et là, il lui a dit « Non, non, papa, il m'a dit, il faut jamais prendre le premier parce que... parce que le, il a été lu par les gens. Le premier, voilà, c'est ça, c'est celui que tout le monde prend et donc il est plus abîmé. Donc voilà, faut prendre celui qui est derrière, c'est mieux, etc. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'est vrai, je plaide c'est coupable, vrai, ouais, je lui avais dit. Ouais. Très bon conseil de papa, ouais. Et du coup, ça l'avait fait beaucoup rire parce qu'il lui avait ressorti. Voilà, c'est important, quoi. C'est trop mignon. Dites-nous sur le chat, est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous prenez jamais le premier de la pile? Je fais exactement pareil. Quand t'achètes un bouquin et qu'il craque pas quand tu l'ouvres, forcément, il y a une petite déception, quoi. Il faut que ce soit neuf, quoi. Il y a le petit kiff. Vous êtes quand même des drôles de fétichistes, hein, parce que moi, je suis pas du tout, tu vois, sur l'état des bouquins et tout. Bon, forcément, j'achèterais pas un bouquin totalement défoncé, mais si c'est un peu corné, c'est marrant parce que pourtant, je suis un gars hyper soigneux dans la vie. Ceux qui me connaissent savent que je suis même méchamment maniaque, tu vois, du genre à mettre les trucs droits avec un niveau et à enlever les poussières microscopiques. Donc, je suis assez maniaque, mais je fais très attention à mes livres, mais si j'achète un bouquin et qu'il s'avère qu'il a un petit poc, j'en fais pas un drame. C'est pas un truc que je vais spécialement checker, sauf cas particulier d'un bouquin effectivement qui serait défoncé dans le magasin. Mais c'est étonnant, j'ai pas du tout ce toc là, alors que pourtant j'en ai plein, donc. Y a que dans tes amitiés que tu tolères un peu de déchets finalement. Ouais, oui, bah, on est bien obligé, faut bien faire plaisir aux gens. Mais tu vois, en tout cas, ce soir à l'Estat Mineur, nous recevons des gens de qualité dans le chat, puisque on en a plein. Azertov, je prends jamais le premier, sauf quand il y en a qu'un. Kev Comics, j'ai la même méthode, deuxième ou troisième. Diaoul 40, jamais le premier. Ludo Verdos, je fais toujours ça, même pour l'alimentaire, je prends toujours dans le fond du rayon. Voilà, on est avec des gens bien ce soir dans le chat. Il y a du tri. Et justement, sur le tri, comment vous triez, comment vous classez vos collections, vos étagères? J'imagine que il y a plusieurs séries, plusieurs labels, plusieurs éditeurs. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est un... Comment vous vous y retrouvez? Est-ce que c'est un fourre-tout? Est-ce qu'il y a un classement pas, je sais pas, alphabétique, par personnage, par thème, par éditeur? Par éditeur, moi, ouais. Par éditeur. J'ai deux étagères réservées à Bliss. J'en ai pas mal réservées à Urban, forcément. Et puis tout un pan. Étagère, c'est linéaire, on est d'accord, c'est un étage. Ouais, c'est ouais. Un meuble. Commode. C'est voilà. C'est, non, non. Par contre, j'ai un meuble quasiment entier de fascicules, de mensuels, du coup, comme je disais tout à l'heure. À part la. Ouais, les deux tiers sont des fascicules. Et donc oui, sinon je range par éditeur, et quand des éditeurs font des trucs un peu chelous, comme par exemple Urban qui publie parfois des comics qui ont un format différent des autres, ils sont un peu plus longs, un peu plus hauts ou un peu plus... qui sont vraiment différents, ils ne font pas un visuel uniforme sur mon étagère, et bien ceux-là je les mets ailleurs en fait, dans une case, ils sont bannis, voilà. Et si t'es moins beau, t'es pas en visibilité chez Valentin. Exactement, bah, ils sont en visibilité mais ailleurs avec les autres un peu comme lui, quoi. Personne embraye? Moi je fais par éditeur mais ça va vite. Du coup, ça. Donc, pourquoi ça va vite, Yanda? Parce que j'ai 80. 98% c'est du Urban Comics et vendu et du coup donc du coup je fais ouais. Après alors je change de temps en temps, je change parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai besoin que ça tourne en fait, mais ça c'est des habitudes de magasin je pense. Au bout d'un moment c'est trop figé, du coup faut avoir ce sentiment de nouveauté. Pas ouais, forcément des fois besoin. C'est le canapé dans l'entrée, des fois c'est il est au ça. Fond c'est... exactement. C'est toujours important comme ça, quand tu rentres dans la pièce tu dis hey, mais il y a quelque chose qui a changé. Non. C'est juste l'ordre. Mais grosso merdo, c'est classé alors une ou plusieurs étagères par continuité, en grande ligne. Donc sur Urban, on va avoir tout ce qui va être pré-New 52, New 52 et Rebirth. Et après, sur les étagères de continuité, on est par ordre alphabétique. Ah bien. Le mec est fou. Le mec est complètement toqué. Et juste avant de... d'enchaîner sur les éditeurs, tu dis que t'as que du Urban parce qu'en fait c'est pas que t'es un féodé à Urban Comics, c'est que t'es plutôt un fan de DC Comics. Ouais. Y a eu des publications de DC Comics avant Urban en France. Oui. Y a eu des publications de Panini notamment. T'as pas oui. du tout de publications d'essais par d'autres éditeurs? Non plus parce qu'en fait ma... j'avais une première collection. Parle sans peur, hein. Tu peux, on est entre nous. Bonsoir. Alors, bah, moi, ça fait deux semaines. Non, en fait, j'avais une première collection, fin des années 90 et jusqu'à tout début 2000 à peu près. Et ensuite, en fait, cette collection, j'ai dû... Il y a eu un incendie. Séparer. Alors non, il n'y a pas eu un incendie, mais il y a eu plusieurs déménagements. Et des déménagements pour des endroits plus petits et où j'avais pas la capacité de stocker. Et donc du coup, il y a un moment donné où il a fallu que je choisisse et je n'avais conservé à cette époque-là que ils sont encore là une dizaine de fascicules VF qui pour le coup, alors il y a majoritairement du Spawn que j'avais gardé le tout premier comics que j'ai eu qui était un crossover Spider-Man Batman, mais tout le reste je m'en étais débarrassé. À cette époque-là, je sais même plus ce que j'en avais fait, si j'avais pas jeté ou donné ou je sais plus, enfin voilà. Et donc du coup, j'ai repris la lecture des comics et la collection des comics au moment de l'arrivée d'Urban en fait. Et quand j'ai repris vraiment, je suis resté sur DC parce que l'univers DC, c'est l'univers qui me parle plus en tout cas par rapport à mes goûts perso. Et c'est vrai que, alors pour le coup, en termes de loisirs, passions, etc., même sans collection, je suis assez jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que j'aime bien vraiment comprendre et apprendre le plus de choses possible. Donc j'ai préféré, autant quand j'étais plus jeune, j'avais plein de lectures différentes, d'univers différents, et ça me dérangeait pas. Et là, j'ai vraiment aussi fait le choix de rester dans cet univers d'ici qui me parlait, mais pour en plus de ça, avoir la possibilité de vraiment m'y plonger à fond et d'apprendre tout un tas de choses que je ne savais pas jusqu'à présent, et que je continue à apprendre encore aujourd'hui, notamment par le biais des vidéos, mais pas que, même par le biais des lectures. Ça me permet d'aller encore plus loin. Donc c'est vraiment parce que l'univers DC me plaît, et aussi pour ce côté jusqu'au boutiste, vraiment me plonger à fond dans cet univers, quoi. Bon, visiblement, t'es pas le seul à ranger ta bibliothèque comme ça. Il y a Gigos qui nous dit, moi, c'est classé par éditeur et à l'intérieur par ordre alphabétique, mais aussi selon les époques, avec une étagère New 52 ou une étagère pour Rebirth. Quelques espaces spéciaux pour certains éditeurs, pour certains auteurs comme Brian K. Vaughan ou des dessinateurs comme Sean Murphy. Il y a Nerwan qui nous dit pour les éditeurs VO, comme Marvel, DC Valiant. Ensuite, par univers, genre Tortue Ninja, Power Ranger ou le Mini à l'averse. Puis par auteur et par éditeur. Et puis il y a Diaoul qui les classe lui par éditeur, et ensuite par univers, et ensuite par type de comics, notamment sur les différentes sous-collections de Panini, avec les Icons, les Omnibus, ce genre de choses. Effectivement, comme les autres, j'ai oublié de le préciser, je sépare VO et VF. Bah, évidemment. J'ai des états. Bah, enfin. Attends. On mélange pas les torchons et les serviettes, monsieur. Ce serait une hérésie. Vous êtes cru où? Mais ouais, non, je sépare VO et VF. Chris, comment c'est classé dans le bordel qui te sert de décor pour Comics Race? Bah en fait quoi, tu vois, donc c'est un peu pareil, c'est classé surtout par série, puis enfin par éditeur et par série on va dire, et puis aussi par format, parce que quand tu commences à avoir beaucoup de bouquins, en plus moi je n'ai pas que du comics, j'ai aussi pas mal de mangas, un peu de franco-belge, pas mal de magazines à droite à gauche, et du coup bah il y a plein de formats différents, et y compris des trucs qui sont complètement incompatibles les uns avec les autres, c'est-à-dire que tu peux pas rentrer des magazines qui sont en, je sais pas comment ça s'appelle, en 24x32 dans les mêmes étagères que tes mangas qui sont en petit format. Donc il faut déjà adapter la taille de tes étagères, et parfois quand tu manques de place, eh ben, tu ranges un peu par format aussi, c'est-à-dire que tu mets les séries de même format dans la même étagère, même si c'est pas du même éditeur, parce que bah, sinon tu n'as pas assez de place. Donc j'ai rangé aussi au fur et à mesure beaucoup par format de bouquins, mais une fois encore, même si je m'efforce de ranger tout ça correctement, tu vois, par exemple, je me galérerais pas à ranger par ordre alphabétique, parce que j'ai tellement de bouquins et que ça évolue tellement tout le temps, que t'imagines que quand t'as... Est-ce que tu veux que je te dise combien j'ai de comics exactement en ce moment même ? Ce sera une question qui va arriver plus tard, mon petit lapin. Ah. Alors, le suspense. Je suis tellement bloqué dans son enthousiasme, là, tu vois. Non, mais vas-y, dis-nous. Non, mais c'était surtout pour t'expliquer que, par exemple, imagine, je les range par ordre alphabétique. Mais il y a déjà très exactement dans ma bibliothèque ce que tu viens de dire, donc vas-y. 3793 comics, d'accord ? Bon. Ça va. Imagine, entre le 103e et le 104e, j'ai un bouquin à rajouter par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'il faut que je décale les 3600 et quelques. Bah évidemment. Tu poses un RTT et tu décales, voilà, c'est tout. Mais non, c'est impossible. Donc il y a forcément un moment où tu abandonnes ce genre de classement hyper précis pour ranger déjà par série, on va dire. Et quand les séries vont plus... Par exemple, j'ai une étagère entière où t'as tous les formats urbains, enfin tu vois, les grands formats urbains, parce que ça va ensemble et tout. Mais comment ? Non, personne n'a parlé. Non, c'est l'esprit qui est chez toi qui a voulu intervenir, mais voilà, laisse-le. C'est l'esprit de la bibliothèque. C'est Jamel là qui veut te dire un truc là. Et donc effectivement, j'ai abandonné des classements trop compliqués pour me concentrer sur des classements pratiques, dirons-nous. Voilà. Le public sur le chat est déçu par le tout petit nombre de comics que tu as dans ta collection, visiblement. T'en as une toute petite, Chris. Ce ne sont vraiment que les comics, hein, parce que si tu rajoutes le manga, le franco-belge et tous les autres bouquins que j'ai partout, je sais même pas combien j'ai de bouquins chez moi, c'est catastrophe. Je classe un peu comme je classe un peu, en fait. Par famille, par éditeur, par effectivement, parce que ça fait joli quand ils sont tous alignés. Oui. Du coup, t'as les urban indies, il y a deux formats, il y a des petits et des grands, donc chacun a son étagère. Les grands urban indies avec le texte blanc sont sur une étagère, les petits avec le texte blanc sur une autre. Après, j'ai des thématiques, j'ai deux linéaires complètes Batman, un linéaire pour plutôt l'histoire de DC Comics, un linéaire pour Rebirth, et puis après, il y a des étagères qui se complètent. Et alors, pour le coup, je sais pas vous, mais moi, ça me rend... Je suis hyper content quand t'arrives à avoir une étagère remplie, tu vois. Genre, j'ai fait un peu le tri sur mes albums de Bliss, et donc j'ai un linéaire très beau de Bliss qui est bien complet. Sentiment de satisfaction de ouf. Je sais que le jour où je vais devoir rentrer un album de plus, il faut soit que j'en enlève un, soit que j'attaque une nouvelle étagère. Donc c'est-à-dire que t'as une étagère qui est vide. Tu vois, par exemple, sur les albums Panini de... Je sais plus quelle collection c'est, mais c'est les albums blancs avec une typo rouge sur le dos. Cela, moi, ça me fait une étagère et demie. Et j'en suis malade, c'est mon drame, il faut que je complète cette étagère. Et du coup, je suis prêt à acheter n'importe quoi pour compléter ce truc-là. Il faut que tu puisses, il faut que ça fasse beau, quoi. Mais il y a un moment où la collection, c'est vivant. À partir du moment où tu as rempli tes étagères et tout, elle devient figée. Et c'est impossible qu'elle soit figée parce que tu vas continuer à lire des trucs, tu vas continuer à aimer des trucs. Et sinon, c'est que tu finis par être un vieux con, non ? Je sais pas. Elles sont vivantes, vos collections, elles évoluent. Moi, la mienne, elle évolue beaucoup au fil des déménagements. Je sais que au moment de j'accumule des trucs entre deux déménagements et au moment de faire mes cartons de déménagement, il y a des trucs que je sais que j'ai gardés que je relirai jamais et donc je les revends à cette occasion-là et donc elle évolue au fur et à mesure. Non, moi j'ai un côté, je veux pas revendre mes trucs moi parce que il y a un côté, ça fait partie de mon histoire en mode je l'ai lu ce truc-là et même si j'ai pas aimé, je trouve ça nul, il est dans ma bibliothèque pour dire je l'ai lu, il a fait partie de ce tout global qui est ma bibliothèque et donc si mettons quelqu'un tombe dessus, ah t'as lu ça mais pourtant c'est nul et du coup bah je peux expliquer pourquoi c'est nul et tout ça quoi mais non, je déteste revendre des trucs. Après là, j'ai euh, j'ai quelques étagères de quasiment vide encore et que je sais que je vais pas pouvoir les remplir tout de suite. Donc c'est pas pour quelle raison? Pour des raisons budgétaires et financières. Car C'est pauvre. Oui, exactement. Car les comics, ça a un coût, mine de rien, et que là, je suis dans une période de ma vie où je peux pas forcément me permettre d'acheter. Ça va, hein, je vous rassure. Hein, mais je peux pas forcément me permettre d'acheter comme je faisais avant plusieurs comics par mois. Et voilà. Donc, malheureusement, mes étagères vont rester un peu vides comme ça un certain temps encore. Mais au moins j'ai pas cette angoisse de oh merde, j'arrive bientôt à la fin de cette étagère, il va falloir que je rebouche tous mes bouquins parce que bah il faut que j'en rajoute quoi. Mais du coup, pour utiliser les grands mots, est-ce que t'as un sentiment plus fort avec les pièces que tu fais rentrer dans ta collection parce que tu achètes moins de BD, donc elles sont plus rares, donc elles sont plus précieuses, ou est-ce que non, ça fait pareil? Non, ça fait pareil, ouais complètement. Complètement. Alors, moi, j'ai deux questions. Enfin, il y a une question du chat que je voulais reprendre pour avoir vos réponses et un point que je voulais évoquer avec vous, voir si c'est juste une névrose à moi ou si c'est vraiment un truc aussi qui vous met en PLS. On est en thérapie ce soir. Il y a Ludo au début du chat, au début du live, Ludo disait c'est la réunion des alcooliques anonymes. Quoi. Ouais, c'est les collectionneurs anonymes. Alors, il y a Kev Comics qui dit, si un jour il y a le feu chez vous, quel comics vous sauvez en premier? Du coup, le seul que vous allez pouvoir sauver. Moi, je sauver, me casse, en fait, moi. S'il y en a qu'un. Moi, je sauve mon chat déjà en premier, parce que je veux dire, il y a quand même plus important que les comics dans la vie, donc je sauve mon chat et voilà. Alors, par contre, c'est une question que moi je me suis posée. Alors, pas pour le coup d'un incendie, moi je suis en mode beaucoup plus pragmatique, surtout avec le Covid en ce moment et tout machin. C'est en cas de fin du monde, je dois me barrer, prendre mon vélo avec des conserves dans mon sac et tout. Il me faudra une place pour de la culture, un minimum, même un peu de rêve pour me rappeler du monde d'avant et pour pouvoir continuer à arriver. Et donc, quels comics j'emporterai avec moi sur les routes? Changer les idées. j'ai pas trouvé de réponse à cette question. Par contre, je vois à peu près vers quoi me diriger. Faut que ce soit pas une série, faut que ce soit un standalone, voilà, un one shot, exactement. Je pensais à Watchmen, mais Watchmen, c'est vrai que c'est un peu lourd et puis bah du coup c'est un peu daté aussi. Ça a mal vieilli en plus. J'aimerais bien rêver un peu. Donc voilà, il me faut quelque chose d'un peu pétillant mais aussi intelligent parce que, enfin, je sais pas. Donc je n'ai pas trouvé la réponse à cette question, mais je me la pose assez régulièrement, ouais. Eh ben tu vois, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que justement, si on lit des comics, c'est peut-être parce qu'on a une vie plutôt cool, je veux dire, bon voilà, on vit pas dans un cadre d'apocalypse, on n'est pas dans une invasion de zombies, on n'est pas avec des aliens qui tombent tous les 15 jours dans la rue. Eh ben finalement, si on vivait dans un monde où il y avait des zombies, des aliens qui nous attaquent et des dinosaures à chaque coin de rue, eh ben peut-être qu'on n'aurait pas envie de lire des comics parce qu'en fait ça serait notre quotidien, donc on n'aurait pas besoin. Tu vois, je veux dire, est-ce que les gens qui vivent dans des pays en guerre regardent souvent des films de guerre? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'ils regardent pas de films tout court en fait. Mais écoute, peut-être qu'il y a il y a peut-être un marché à creuser pour peut-être. Ceux qui nous écoutent, ouvrir des cinémas dans les pays en guerre. D'ailleurs, si vous nous écoutez dans un pays en guerre, réagissez sur le chat. Et surtout, n'oubliez pas le code créateur et les liens d'affiliation. Hein. Si vous êtes dans un pays en guerre, c'est le moment ou jamais. Soutenez-nous. Merci. Du coup, Matt, il y en a un qui se voit. Pardon, Kid Intrépide qui me proposait Punk Rock Jesus à emporter avec moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais être chiant, j'ai envie d'un truc un peu coloré. Mais ouais, oui. Ah, t'es chiant, Jesus, effectivement, t'es chiant. Il y a une autre astuce pour toi, Valentin, sur le chat, c'est t'as qu'à dire que t'es tombé enceinte et tu mets des comics sur ta liste de naissance. Et comme ça. Pas mal. Eh, c'est pas con. Non, mais en plus, j'ai mon anniversaire bientôt, je vais pas le fêter. Et je me dis, putain, en même temps, je passe à côté de tellement de comics que j'aurais pu avoir gratuitement. Donc, va peut-être falloir que je me force à rencontrer les gens. Pour mon anniversaire, uniquement pour les cadeaux, bien sûr. Voilà, il y aura le code créateur de l'anniversaire de Valentin, bien sûr, dans les commentaires de ce podcast. Je sais pas ce que j'emmène en premier, si ça crame. Enfin, franchement, c'est le désespoir, je crois. Enfin, de toute façon, dans ton château, déjà, il faudrait que tu cours d'abord jusqu'à ta bibliothèque. Donc c'est un peu loin, en fait. Donc ça va être. Enfin, dernièrement, on va pas compliqué. Trop révéler les détails de la vie de Matt, mais dernièrement, il y a plus des problèmes d'humidité que des problèmes d'incendie. Donc bon. Ça va, le couvreur doit passer demain pour cette fameuse recherche de fuite et ce sera réparé sous peu. Mais voilà. Du coup, on a tous répondu à la question, est-ce que la collection évolue ? Ou est-ce que Yanda, tu as zappé cette question en faisant une petite diversion avec des questions du chat ? Non, alors je vais revenir sur ta question parce que ça va me permettre de squeezer. Je vais répondre à la question de Kev, mais pour pas plomber l'ambiance, on va rebondir tout de suite. Moi, je sais qu'il y en a un que je sauverai, c'est le Dial H Deluxe, donc c'est de la VO, qui est là. Ouais, je sais que je l'avais pas loin. Hop, c'est celui-là. Voilà, hop, je prends le focus sur la caméra et Dial H. Voilà. Dial H, donc la version New 52 de China Mieville, qui est très très bien, mais ce n'est sorti qu'en VO. Et pourquoi ? Parce que c'est le dernier comics que m'a offert ma maman. Donc vraiment, j'y ai du coup encore plus ajouté une valeur sentimentale à l'objet. Donc je pense que c'est celui-là que je sauverais s'il fallait en sauver un. Est-ce que la collection évolue ? Oui, du coup, je reclasse et fais évoluer la collection pour la faire tourner. J'ai effectivement ce sentiment aussi quand je comble une étagère d'une section complète, effectivement ce sentiment d'accomplissement important, de dire ok, voilà, c'est bon, et je suis tout aussi emmerdé quand arrive un autre après. Alors après je triche, parce que sur certaines étagères, on les voit peut-être pas là, mais en fait j'anticipe, je laisse de la place avec les boîtes de pop ou de figurines, donc qui d'abord sont mises en façade, et puis petit et à après, petit plus je rajoute, voilà. Après hop, on les passe en, tu les en tournes, demi. Tu peux laisser aussi, tu fais ta collection, on voit tous les dos, et tu mets un comics en travers pour qu'on voit bien la couverture qui est jolie, ça te complète l'étagère, oui, et comme ça quand aussi. Tu rentres ouais, du matos en plus, bah, tu peux en remettant tout en profondeur, regagner de la place. Tout à fait. Donc la collection évolue et c'est quelque chose que j'aime bien faire, effectivement, cette rotation, pas tant dans le classement, mais voilà, faire bouger un petit peu et faire évoluer. Et par contre, comme on parle des collections, il y a un ennemi juré, pour moi en tout cas, et encore plus dans la pièce dans laquelle mes BD sont rangés aujourd'hui, c'est le soleil. Est-ce qu'on peut parler du soleil et du drame? Ah non, je l'ai pas sur ma liste. Non. Et du drame de ma vie, qui est que c'est sur les Nightwing notamment. Nightwing, donc New 52 d'Urban, qui sont donc avec des dos noirs et le Nightwing en rouge. Et avec le soleil, le rouge de Nightwing décolore. Donc j'ai les tomes les uns à côté des autres. Le format est tout nickel, c'est top, mais le putain de rouge de Nightwing, eh ben, il est pas de la même couleur. Alors, au début, je me suis dit, c'est cool, ça faisait un espèce ça de fait dégradé. Un dégradé. Tu vois, parce que ben, forcément, comme ils arrivaient les uns à la suite des autres, le premier qui avait pris le soleil était plus clair que les autres, et donc il y avait un espèce de dégradé. Il y en a un qui m'a niqué le dégradé, donc maintenant ça ne correspond plus. Et c'est dramatique, vraiment. Enfin voilà, c'est un truc, ça me fait chier. C'est alors, ce genre de petits détails qui me disent merde, quoi. J'ai appris un truc et je viens de voir que Ludo Overdose dit exactement la même chose. J'ai appris que, en fait, moi, la lumière du soleil, effectivement, c'est pas bien, mais que la lumière de la lune, oui, c'est pire. Mmh. C'est vraiment pire que celle du soleil et que du coup, c'est plus de celle-là qu'il faut se méfier, même si le soleil, c'est pas cool non plus. Mais ouais, apparemment, les rayons du soleil réfléchis par la lune sont pires que les rayons directement du soleil. Moi, vivant en Normandie, j'ai pas trop de problèmes avec le soleil, hein. Je veux dire, on ne le voit que 2-3 jours dans l'année, donc globalement, peu de risques pour votre collection. Si vous tenez à vos livres, venez en Normandie, voilà. Et pour la lumière de la lune, nous avons installé ce que l'on appelle communément les gens lambda, des volets. Le volet, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, mais alors, je veux pas casser le truc, mais il paraît que cette histoire de lumière de la lune, c'est de la légende urbaine qu'autre chose. Bah ouais, je sais pas, j'ai pas vérifié l'info, mais ça avait l'air assez crédible. Je n'ai jamais fait d'expérience, mais en tout cas, c'est pas pire que le soleil, quoi. C'est équivalent, à mon avis. C'est le genre de même. Voilà. Ce que je vous propose, et c'est l'occasion de placer un clin d'œil, c'est qu'on appelle les mecs de la chaîne Defecator, qui justement défèquent sur les fakes, et comme ça, ils pourront nous dire si c'est une fake news ou pas, cette histoire de lumière de la lune. Ouais, l'appel est lancé. Je préférerais qu'on appelle Jamie, moi. Ouais, carrément, ouais. Ah oui, Jamy dans Defecator, il peut se passer quelque chose. Ah ouais, sacré crossover. Du coup, j'ai, J'ai peur d'avoir perdu le fil, Yanda, t'avais repéré deux questions sur le chat que tu voulais... Non, il y avait une question du chat qui était celle de Kev Comics, quel comics on sauverait, et après l'autre, c'était ma question à moi, c'était est-ce que le soleil et la décoloration, alors le soleil ou la lune, du coup, en fonction de votre... comment dire... position équatoriale et décalage horaire, si vous êtes plus touché par la lumière de la lune ou par la lumière du soleil, est-ce que c'est un truc qui vous affecte aussi si, sur une même série... Alors même, ça peut être l'édition aussi, pas forcément abîmée, mais du coup, il y a une différence d'édition entre deux tomes de la même série. Est-ce que c'est un truc qui vous dérange ou Osef ? Moi, je suis vigilant déjà parce que... mais j'ai de la chance de ne pas avoir le soleil qui tape directement sur ma bibliothèque. Donc, je suis un peu rassuré là-dessus. Mais j'avoue que autant pour Urban, ça va parce qu'effectivement, comme les couvertures sont noires, ça me fait moins peur. Mais effectivement, le titre peut, qui lui est en couleur, peut éventuellement être décoloré, comme tu viens de nous le dire. Mais moi, c'est plus les bouquins de Bliss qui, eux, sont tout blancs. Et c'est d'un blanc immaculé, trop joli, que j'aime beaucoup. Et je serais un peu en PLS si j'envoyais un jaunir parmi gras. Tous les autres. Ouais. Donc bon, ça c'était ferait... très bon, ces frites valentes. Oh, une BD. Ah putain, mais alors comment je crie à l'intérieur de moi-même, mais je suis un autre homme. Je suis en mode ah ouais bon, fais gaffe quand même. Et puis intérieurement, je fais putain. Je serais pas content du tout. Mais obligé d'appeler les mecs du cinéma. Ah ouais. Absolument. D'ailleurs, est-ce que la lumière des lampes torches est aussi néfaste que la lumière du soleil? Ah bah alors, ça, c'est la question qu'on se posera tous ensemble. Non. moi, je peux répondre aux deux questions. Ouais, je peux répondre aux deux questions. Deux questions à la fois. Non, il y a un petit problème de lag, j'ai pas entendu la phrase, mais c'est pas grave. On essaie de fermer ta gueule, mais c'est pas. Ah d'accord. Bah, allez, salut. Allez, merci. Salut, mon pote. Non, vas-y. Je disais donc oui, ma collection évolue parce que surtout elle déborde en fait. Moi, ah oui, surtout effectivement, gros lag, il est resté il y a 15 minutes. Ben oui, parce que j'ai toujours pas répondu à la question puisque Yanda nous commençait à nous faire chier avec son histoire de feu et tout ça là, voilà. Et donc ma collection déborde, voilà son évolution. Et en fait, ma bibliothèque est généralement plongée dans le noir puisque j'ai l'incroyable faculté. Le mec va révéler ses super pouvoirs en live. Je suis relativement nyctalope, j'y vois relativement bien dans le noir. Donc ma bibliothèque en fait est toujours plongée dans le noir, quasiment. Les volets sont toujours fermés. Et tu veux te sauver toi-même en fait. C'est juste oui ça. Voilà. Oui, c'est toi le chat. Quand je tourne, je tourne avec de la lumière artificielle. Enfin, les volets de ma bibliothèque sont quasiment toujours fermés. Donc les bouquins ne voient ni le jour ni la lune. Voilà. Et je vous raconterai un jour comment je suis devenu nyctalope. Avec des rayons X à travers les pages de vos comics, en fait, c'est ça. C'est tu passes tes comics sur rayons X en vrai, quoi. Jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. Schizophile a trouvé la solution. En fait, t'es un vampire. Et donc c'est pour ça que du coup. C'est ça. Complètement. Non mais je vous raconte. Premier jour, je vous raconte. En plus, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Ça va intéresser des gens parce que c'est lié à mon opération de la myopie. Je me suis fait opérer de la myopie et un jour, je vous raconterai déjà comment ça se passe et à quel point ça fait mal sa mère et quel super pouvoir ça m'a donné. Voilà. Donc je le mets au programme du prochain épisode de l'Estaminaire du coup. Ah ouais, moi j'aime pas bien, ouais, carrément. Non, moi j'ai pas de problème avec mes bouquins noirs, en revanche c'est avec mes éditions blanches que je repère des défauts, notamment les Lazarus de Glénat Comics, les premiers volumes de Glénat Comics édition blanche, hein, et Glénat Comics version 2.0, donc les éditions blanches sont un peu jaunies, tu vois Lazarus 1, il est beaucoup plus jaune, il est entre Lady Killer 2 et Lazarus 2 évidemment, puisque classé par ordre alphabétique, tout ça t'as compris, et lui il est un peu plus jaune que les autres, et c'est vrai que ça commence à me picoter un peu quoi. Après non, les Bliss ont l'air de bien vieillir dans le temps. Les Panini blancs aussi, j'ai pas trop de surprises. Après je me suis un peu quand Urban est arrivé, j'ai tout acheté de Urban. Et c'est le moment où j'ai commencé la chronique radio, j'ai demandé beaucoup de services de presse. Maintenant vous savez ce que c'est, et donc j'ai reçu énormément de choses. Et en fait je recevais quasiment tout et je passais 400 balles de comics par mois, c'était débile quoi. Et du coup, par exemple, il y a des bouquins d'Urban, genre Batman année 1, qui sont sortis dans une édition seule et dans une édition avec les DVD des films animés. Du coup, évidemment, j'avais les deux. Et ça permettait de voir que les deux dos, n'étaient pas les mêmes et que les typos qui sont harmonisés aujourd'hui ne l'étaient pas tout à fait au début. Le Batman pouvait changer de taille, par exemple. Selon la taille du bouquin, le nom n'était pas écrit avec la... Ça me rendait dingue. Oui, je voulais rebondir là-dessus et dire quoi. La même chose. Ouais, je suis complètement d'accord. Et là, je regardais, j'en ai encore 2-3 comme ça et je suis pas bien, quoi. Et même, t'as des décalages aussi sur ceux de Bliss, notamment, ou même le... C'est un peu pareil chez tout le monde, mais des logos, genre des logos qui sont en haut du dos ou en bas du dos, un truc comme ça, et qui sont pas alignés exactement au millimètre près quand t'as une collection complète. Et comme Matt, ça me rend fou, moi. Ça... Alors, j'ai pensé à ça, effectivement, Valentin. J'ai le cas sur un truc qui m'a fait bugger. C'est sur Ed Brubaker présente Catwoman. Ouais. Les logos en haut, je peux les attraper comme ça, il y aura un petit plus pour les gens du chat. Donc c'est des logos qui forment la tête de Catwoman, ça fait un petit un logo de tête de chat, quoi. Hop, qui sont en haut des bouquins, du dos des bouquins. On va peut-être pas le voir forcément. Et donc le premier tome, donc ils sont classés tome 1, 2 et 3, et voilà, vous avez le tome 1 où le logo est très gros, tome 2 il est tout petit, et tome 3 et 4 il est intermédiaire. C'est une honte. Donc il y a 4 tomes remboursés et 3 tailles de logo. On fait remarquer sur le chat Kev Comics qui dit qu'il y a eu le Green Lantern qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Twilight Emerald, qui a une faute sur le dos du bouquin, donc Green avec 3 E. Green Lantern, et ouais, j'aimerais pas l'avoir dans ma bibliothèque celui-là. Et pour parler des éditions encore, on dit souvent beaucoup de bien de Delcourt, du suivi d'édition et de travail de Delcourt. Mais je voudrais parler de mon expérience avec Hellboy, puisqu'il y a au moins 3 éditions de Hellboy qui ont été faites chez Delcourt. La première, c'est des volumes assez fins, qui ont des dos noirs, qui sont sortis au début des années 2000. La deuxième, c'est une édition un peu plus épaisse, avec des dos noirs, qui est sortie à partir de 2004 ou 2005. Et la troisième édition, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, avec des dos colorés. Eh bien, à travers ces différentes éditions, vous pouvez avoir des tomes qui ont le même nom, qui n'ont pas la même pagination, et dans lesquels il n'y a pas les mêmes épisodes. Ce qui fait que typiquement, je crois que c'est de mémoire, c'est le Vert Conquérant que j'ai dans les 3 éditions, parce que je l'avais une fois, puis après je me suis trompé, je l'ai racheté, et puis après on me l'a offert, du coup je finis par avoir les 3 éditions. Et bien à l'intérieur, il n'y a pas les mêmes épisodes, et pour faire le complet, le suivi de ta série, c'est un peu tendu. Et autant c'est facile de te dire, celui-là je l'ai en édition coloriée, en dos coloré, celui-là je l'ai en dos noir, donc je peux racheter celui qui me manque ou tout ça. Mais va faire toi la différence dans un magasin entre la version dos noir que t'as et la version dos noir que t'as pas, dans lequel il n'y a pas forcément les mêmes épisodes quand t'as besoin de faire la continuité. Fun fact, ils se rangent pas dans le même ordre. La chronologie avec le nom des tomes qui est marqué sur l'édition actuelle n'est pas la chronologie qu'il va falloir utiliser quand tu vas vouloir ranger tes éditions à dos noir. Ça me rend ouf. Il y a Kev Comics dans le chat qui dit, en parlant du Green Lantern de Emerald Twilight, ou même après, comme l'a dit Geekos, de Batman L'An Zéro Paris 1, à l'époque où il était sorti, et qui dit, mais pourquoi Urban ne le corrige pas ? En fait, alors que ça soit Urban ou tous les éditeurs où ce type de coquille arrive, que ça soit sur les au niveau des couvertures ou de l'édition extérieure ou même en page intérieure des coquilles de traduction, en fait elles sont corrigées, mais elles sont corrigées sur les réimpressions. Et les premières vagues d'impression, elles sont sorties, elles sont parties dans les canaux de distribution, et il n'y a aucun éditeur qui va rapatrier, parce qu'en termes de coût, c'est indécent, rapatrier tous les titres avec coquille pour les détruire et pour après en ressortir des nouveaux. Donc en général, les corrections, elles sont faites sur les réimpressions et sur les tirages suivants, mais comme on est encore une fois sur un marché assez niche et les ventes sont assez minimes en termes de volume, parfois les réimpressions elles mettent du temps à arriver, mais quand il y en a, quand il y en a, exactement, ouais, c'est ça. Moi j'aime bien ces petits trucs avec coquilles. Je vous en ai sorti du coup en préparant l'émission de ce soir, par exemple. Je vous ai sorti un magazine Wolverine, c'est un kiosque qui est sorti en novembre 2014 et qui est un kiosque qui a 3 numéros. Parce qu'évidemment, c'est un relaunch, donc il y a un gros numéro 1 en haut de la couve. Mais pour pas perdre les gens qui avaient déjà commencé la numérotation, juste en dessous, il y a un numéro 15. Donc dans le même angle, il y a numéro 1 et juste en dessous, numéro 15. Et si tu regardes le numéro qui est au niveau du code-barre, te rends compte qu'en fait, c'est le numéro 17 de la collection. 1, 15, 17 pour un même magazine. Il y a trois numéros sur la même couverture. Et puis sinon, j'aime bien ceux qui ont des petits défauts d'impression. Je vous ai sorti un kiosque Spider-Man que j'aime tout particulièrement, dans lequel il manque des pages. Donc à la fin de l'histoire, eh ben, tu n'as pas la fin de l'histoire. Et puis surtout, il y a des pages qui sont encore collées à l'intérieur et qui n'ont pas été imprimées. Alors ça, on veut pas savoir pourquoi. Qui n'ont juste pas été imprimés. Voilà, il y a du, il manque des pages au milieu de mes trucs. Et j'aime bien, ça donne un petit côté unique en fait à ta BD. Tu vois, c'est sur l'histoire de la couverture. Non, c'est juste une erreur de maquette et d'impression. Mais sur ma petite BD là qui est mal imprimée, ça lui donne un caractère. Elle est bancale, voilà, elle est pas comme les autres. Elle est pas tout à fait. C'est comme quand on récupère des BD avec les pages qui sont mal coupées. Vous savez, au milieu. Du coup, bah, t'es obligé d'arracher un peu tes trucs pour lire la page du milieu. Franchement, là, j'ai une BD qui est la une des premières que j'ai achetées avec ma première paye, on doit être en 96. Et dire juste après la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas loin, tu vois, 96, c'est les années Balladur et tout, souvenez-vous. Et bah, les pages collées, mal coupées sur le côté, sont encore, n'ont pas été découpées, tu vois. Je me dis, c'est un collector. Moi, ça m'est arrivé un problème de massicotage là, sur Spider-Man, l'histoire d'une vie. En fait, plus j'avance dans la BD, plus les cases se décalent. Et donc, à un moment où, effectivement, il manque des morceaux de cases sur la fin du bouquin, c'est un peu rageant. Mais tu l'as eu en service de presse, donc tu n'as pas pu le renvoyer. Bah tout à fait, j'ai pas pu porter plainte et j'ai pas pu dire « Ah là là, Panini, 4,80 !» Quand même, vous vous rendez pas compte. Ça coûte 4,80, c'est pas cher, dis donc, pour... Private Joke d'il y a 10 ans, hein. 10 ans les gars, ça fait 10 ans ça. Il fallait suivre le YouTube Game, Comics, il fallait vraiment être là avant, ouais. Before It Was Cool, moi je te le dis. D'ailleurs, on embrasse Liberto, on cherche à savoir ce qu'il est devenu. comment est-ce que Chris a commencé à nous teaser, donc c'est l'instant cahier, hein. Comment est-ce que vous gérez vos collections? Comment est-ce que vous savez ce qui est dedans? Comment est-ce que voilà, vous savez que il vous manque le numéro 3 de telle série et tout, parce qu'on peut pas se souvenir de tout de tête. Chris, c'est l'instant de nous dévoiler les secrets de ton cahier. Non, bah maintenant j'ai plus envie. Voilà, tout à l'heure. oui, bah moi j'ai un petit cahier que j'ai fait il y a maintenant bien longtemps. Quand j'ai commencé ce cahier. Alors là, c'est l'heure, je vais vous la faire en ASMR avec le bruit des pages. j'avais 994 comics, déjà, j'ai envie de te dire. Mais en fait, avant ça, j'avais déjà un cahier, mais je l'ai rempli. Donc, j'ai recopié le contenu du premier cahier dans le deuxième, et j'ai réattaqué ce nouveau cahier, qui est un cahier Clairefontaine, 192 pages, fabriqué en France. Du coup, t'as écrit c'est plus petit ou t'as pris un cahier plus grand? J'ai pris un cahier plus grand. D'accord. Et comme j'écris très mal... J'ai un peu une écriture de médecin. Et donc je note tous mes comics dans ce petit cahier. Alors, j'utilise aussi Comic Sanctuary pour enregistrer ma collection, mais tout n'est pas sur Sanctuary. Tu peux leur demander de rajouter les bouquins, mais c'est aussi un peu long. Donc, pour être franc, je n'ajoute que ce qui est sur le site. J'anticipe peut-être, mais j'y pense là. Mais du coup, toi, tu ne revends pas tes bouquins, alors? Je ne revends quasiment rien. Les seuls trucs que je revends, c'est éventuellement des doublons que je me retrouve à avoir, soit par accident, okay. Parce que ça peut arriver, soit parce que dans certaines collections, par exemple, tu vois, si tu fais les collections Eagle Moss, Hachette, etc., tu peux te retrouver avec des doublons, quoi. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu rayes dans ton cahier le... J'ai des trucs rayés, ouais. J'ai quelques trucs, pas beaucoup, mais vraiment, il faut que j'ai même pas, j'ai quasiment pas d'exemple à te donner. Enfin, je pense qu'en 25 ans de collection, j'ai dû revendre, allez, 10, 15 bouquins, quoi, à tout casser. Et vraiment, parce que c'était, ouais, des trucs en double ou, voilà. Donc non, effectivement, je ne revends pas mes bouquins. Et ce petit cahier qui arrive sur la fin, hein. Il doit pas rester beaucoup de pages, hein, Il va falloir reprendre un troisième cahier avec tout, putain. L'enfer. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. Tu te rends compte que si vous avez des solutions sur le chat, pages à la fin. Écoute, je vais peut-être faire ça. Tu te fais pas chier, non, tu prends un Y4, c'est les cahiers, les trucs souples là dans lesquels tu peux paraffer des feuilles. Ouais, en vrai, sincèrement, je pense passer à un classement 100% numérique sur un outil perso, tu vois, sur un tableur ou sur un truc, pas forcément via un site ou une application. Mais ce petit cahier était vrai, pour le coup, c'est un vrai objet d'histoire, tu vois. C'est un vrai bout de ma vie parce que je le traîne depuis ce cahier-là. Il a au moins 20 ans, je pense. Non, mais du coup, quand tu vas en boutique et que tu trimbales pas ton cahier avec toi. J'ai mon cahier. J'ai mon cahier avec moi, bien sûr. Non, mais tu sais quand même que. En Normandie, il est dans la boutique. Ah ben, j'ai mon cahier. Non, mais tu sais que ça c'est quand... enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus acceptable. Mais tu sais, quand tu rencontres une fille et que tu commences à dire, bah, tu sais, j'ai un cahier où je note mes livres. Eh bien, si vous aussi vous avez connu cette situation, n'hésitez pas à nous en parler. Parce que c'est quand même ça renvoie une image un peu bizarre. Sur le chat nous dit que tu pourrais faire gagner ton cahier pour à ton 25 millième abonné. C'est une bonne idée. Non, jamais de la vie. Allez, je garde mon cahier. Allez, crevez, je garde mon cahier. Je garde mon cahier, monsieur. Du coup, je sais plus ce que tu me racontais. Ah oui, comment je fais pour m'en souvenir? Excellent. Bah oui, comment tu fais? Non, c'est mon cahier. Personne prendra mon cahier. C'est mon cahier. On copie ça. On a trouvé ce que Chris va sauver si jamais il y a le feu chez lui, par contre. Et voilà, exactement. Mon cahier, ouais. Ouais. Et comment je m'en souviens? Non, franchement, par contre, j'ai la chance, ou peut-être parce que je l'ai travaillé avec justement cette collection un peu tentaculaire, d'avoir une assez bonne mémoire visuelle. Donc, je ne me trompe que très très rarement. Je crois que ça a dû m'arriver genre deux ou trois fois d'acheter un bouquin que j'avais déjà, genre des vieux kiosques. Des fois, tu vas chez un bouquiniste ou dans une brocante, il y a des kiosques et tu prends 5, 10, 15 bouquins et dans le lot, pas de bol, il y en a un que t'avais déjà, mais c'est plus parce que t'as pris un lot et que voilà, tu t'es gouré. Mais je me suis rarement trompé et c'est vraiment parce que j'essaye de me souvenir visuellement des bouquins que j'ai dans la collection. Donc autant vous dire que sur les 3000 et quelques comics, plus les mangas, plus les divers trucs à droite à gauche, je suis pas infaillible, hein. Il y a plein de choses que j'ai dans ma collection et je m'en souviens pas forcément, mais je me suis rarement gouré, franchement. Du coup, on saura maintenant que si Chris nous offre des comics à un anniv ou un truc comme ça, c'est des trucs qu'il a achetés en double en se foirant. Et comme il peut pas les revendre, il va finir par les offrir aux copains pour les anniv ou des trucs comme ça, quoi. Comment tu gères ta gigantesque collection, mon petit Valentin ? Bah, un peu comme Chris. Alors moi, c'est facile de le faire de mémoire parce que vu qu'elle est pas aussi fournie que les vôtres, forcément, je vois très bien ce que j'ai dans ma collecte. Après, moi, j'ai fait la technique des alors c'était pas un cahier, moi c'était des carnets pendant 2 ans. Mais moi, je notais en plus mes impressions dessus et c'était pour les comics, mais aussi pour les films, les séries et pour tout ce qui concernait la pop culture en fait. T'avais un système de notation? Non, avec des étoiles et des trucs comme ça. Non, j'allais pas jusque là quand même. Mais on voyait très bien dans la petite critique que je faisais derrière si j'avais aimé ou pas quoi. Mais les gars, tu discutes avec eux. T'as vu ce film là? Et le mec il prend son cahier. Attends. Ah bah oui, puis j'avais bien aimé hein. Bah dis donc. Ouais. Et bah c'est exactement comme ça parce que moi j'ai pas une mémoire ouf et du coup je sais très bien que dans quelques années j'ai vu ce film. Par contre, aucun moyen de me souvenir ce que j'en ai pensé. Et donc je m'étais dit à l'époque de ces carnets là que ça aurait été un bon moyen dans les années futures de m'en rappeler. Et en fait, alors ce sera certainement un bon moyen, c'est juste que je les ai pas ouverts depuis tout ce temps, mais ça m'a duré 2 ans et j'ai arrêté après. Par contre, j'ai repris un système de aussi informatique sur un tableur Excel où je note tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu, mais sans critique cette fois-ci. Je note juste l'année, année, auteur, enfin titre, année et auteur, quoi. Et puis la date de consommation aussi. Quand est-ce que j'ai lu ou que j'ai vu ça? Voilà. Je croyais que c'était la date de péremption du bouquin, c'est un peu bizarre. Il y a Beaumasque qui demande dans le chat comment tu faisais quand tu changeais d'avis en rematant un film. Mais justement, l'idée, c'est ça. C'était d'avoir mon avis à un instant T et de voir si mon avis a évolué des années après ou des mois après, quoi. Il y a le Valentin de 2007 qui déteste le Valentin de 2012, mais ils oui, sont diamétralement pas d'accord. Exactement. Et je suis déjà pas d'accord moi-même avec des trucs que j'ai chroniqués dans le Cinéma Shop, par exemple, tu vois, où je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit. Donc ouais, c'est ça qui me fait marrer, en fait. La vie évolue. La vie évolue, et L'avis évolue. Exact. Wow. On se moque un peu de vos cahiers sur le chat, mais Ludo a quand même un cahier. Bon, c'est pour ses disques, hein, lui-même, pas pour ses BD, mais il y a quand même du classement par cahier, ça existe encore. En fait, c'est pas que ça existe encore, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire un cahier, Internet n'existait pas, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas qu'on a fait un cahier alors qu'on avait d'autres outils, c'est qu'on n'avait pas d'autres outils. Enfin, il faut le voir comme ça. T'as refait ton cahier depuis. Donc là, par exemple, non, ça existe. Et comme ton cahier, quand je te dis que j'ai refait ce cahier, c'était... Quand je l'ai refait, c'était il y a genre 20 ans déjà. Ce cahier-là, il a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, en l'an 2000, t'avais pas d'outils de classement sur Internet, quoi. Enfin, tu vois. Il y a peut-être avec tes doigts des traces de ce que t'as mangé il y a des années, quoi. Qu'on développait des C'est fort probable, il existe fort probable. Mais l'avantage d'un cahier, c'est que si ton application où tu notes tous tes trucs disparaît, ou que ton. Ou que vu qu'il y aura un effondrement de notre société, l'électricité va disparaître aussi, au moins, on pourra tout. Chris, il pourra quand même savoir ce qu'il a lu et qu'est-ce qu'il a chez lui pour faire et du en plus, feu, ce qui est cool, c'est que comme il s'entraîne depuis des années à les lire dans le noir, il est prêt complètement pour la panne d'électricité géante, quoi. Exactement. Je suis un lecteur survivaliste. Yonda, comment tu gères ? Je ne gère pas. j'ai pas de cahier. J'ai testé de commencer à rentrer une partie de ma collection en numérique. C'était sur Comic Sanctuary, je crois. Mais c'était trop long. Ça m'a saoulé. Donc, j'ai arrêté. Puis, j'ai pas eu la foi de m'y remettre. Et j'ai par contre jamais testé d'autres applis parce que c'est long en fait à rentrer, parce que comme je suis quelqu'un de encore une fois comme je disais tout à l'heure de jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que si je commence à rentrer un truc, il faut que je rentre toute la collection, sauf que au bout d'un moment, comme c'est trop long, ça me saoule, donc j'arrête et je n'y reviens plus jamais, parce que je suis frustré ad vitam de savoir que sur cette truc il y a juste une partie de la collection, donc je ne fais rien. Et ce qui par contre au début je me disais ah, c'est bon, je gère, et en fait non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu vois, comme disait Chris, ça lui est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez Pulps principalement et d'acheter un bouquin ou un single et de rentrer à la maison et de dire ah putain, en fait non, je l'avais, et donc de le garder et de retourner la fois d'après pour l'échanger, pour en prendre un autre, ou alors de prendre après un intervalle entre deux passages à la boutique assez long, d'arriver au shop et de prendre plusieurs singles VO à la suite pour compléter en fait ceux que j'avais déjà, et j'arrive et il m'en manque un en plein milieu ou alors à la fin. Typiquement, c'est le cas pour The Wildstorm, la dernière série VO. Je n'ai pas l'avant-dernier, j'ai pas le 23. C'est une série en 24 numéros et j'ai pas le 23. c'est une catastrophe, parce que je rentre chez moi, je suis persuadé, je me dis ah trop bien, je vais pouvoir me faire la fin de The Wildstorm et tout, trop cool, qui est une excellente série au passage. Et j'arrive et là je prends et je fais mais il est où le 23? je l'ai pas en fait. Ah putain, je suis un con, mon dieu, j'ai envie de mourir, ma vie c'est de la merde. Et voilà. Et donc. Donc ça m'arrive de me planter, donc il faudrait que je m'y mette, mais j'essaye de trouver une solution qui me permettrait de rentrer les titres vite sur une solution numérique, parce que j'ai pas forcément non plus la foi de me lancer dans un cahier ou dans un support physique, même si j'aime beaucoup le support physique, mais sur les tout ce que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent en digit, c'est trop long, quoi. Et donc j'ai la flemme au bout d'un moment. Alors je sais que t'as des applis, normalement Comic Sanctuary, l'appli mobile doit le faire. En fait tu flashes le code barre et normalement ça retrouve le bouquin. Oh c'est beau. Ce qui est un peu moins long que de chercher le bouquin en tapant les. C'est beau les parce mots, que ça veut dire que c'est un truc qui paye, hein. C'est-à-dire du coup ils ont acheté un accès à la base du coup ISBN. Ah bah là je code barre. J'en sais strictement rien, mais alors, je sais que normalement t'as cette fonction. Pour ce que j'en sais. Blacky met beaucoup les mains dans la base et remplit pas mal de trucs de la base à la main, donc il n'est pas impossible qu'il se tape des listes de libraires et qu'il rentre les ISDN à la main. Je m'avance un peu, mais je sais qu'il remplit beaucoup de choses de Comic Sanctuary à la main. Blacky qui est donc l'animateur du podcast les GG Comics également. Moi j'ai beaucoup fait d'appli, j'avais quasiment tout mis sur Comic Sanctuary parce que c'est mixte en fait, parce qu'il y a les bouquins et les kiosques, et puis j'ai testé d'autres applis. Comic Sanctuary, l'intérêt c'est que c'est un vrai truc qui est fait pour les comics, et que tu peux en plus avoir, c'est rare dans les applis, mais tu peux avoir les variants de cover. Et dans le monde des comics, des fois on a plusieurs exemplaires du numéro 1 parce qu'il y a plusieurs couvertures. Hein ? Yanda sait que les couvertures Madureira, ça fait vendre du papier. Ah là là. Et ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de Darkness 13, ce comics Image Comics qui est sorti donc avec 13 couvertures. Bah, moi j'en ai 14 des couvertures de Darkness 13. Oui, oui, parce que j'en ai une qui est dédicacée. C'est tout. Donc c'est l'importance de la variante cover. Et du coup, chez Sanctuary, il y avait ces trucs-là. Et anecdote personnelle, j'ai dû me séparer d'une grosse partie de ma collection puisque j'ai eu besoin de faire rentrer de la caillasse lors de mon divorce. Donc il y a beaucoup de comics qui sont partis. Et je me suis retrouvé du coup avec une liste sur Sanctuary qui comportait beaucoup plus de comics que ce que j'avais en vrai. Et autant rentrer ta liste de comics dans une base, c'est compliqué, c'est long et tout ça. Mais prendre la base de comics et chercher dans tes étagères, est-ce que ça je l'ai encore ? Non, alors je l'enlève. Est-ce que ça je l'ai encore ? Non, c'était l'enfer. Donc je suis reparti à zéro. Et j'ai essayé plusieurs trucs. Je suis passé par une appli qui s'appelle Glyph pendant un moment, qui était intéressante parce qu'elle te permet de scanner plusieurs codes barres en même temps. T'alignes plein de bouquins, tu passes ta liseuse, il te rend 10 codes barres d'un coup et t'as rentré tes bouquins. Et là, je suis sur Bubble, je viens de terminer, j'ai fini la semaine dernière, de tout remettre sur Bubble. Je dis tout, c'est les trucs librairies que tu peux mettre dessus. Ça t'a pris combien de temps, à la louche? Enfin, genre, toute une journée ou une semaine? Parce que t'as fait ça à la louche, vraiment, avec une louche. Je sais que t'as fait avec une louche, c'est l'enfer. Qui scanne avec une louche, quoi. Du coup, ça m'a pris 3 ans. Ah bah merde. En fait, ça m'a paru rapide dans le temps parce que j'ai vraiment fait des... Je me suis pas rendu compte que c'était des grosses sessions. Mais je sais qu'il y a des dimanches où j'ai commencé genre à 10h. À un moment, je lève la tête, il était 14h30, tu vois. Ah la vache. Okay. Et du coup, mais par contre, c'est intéressant. Tu replonges un peu dans tes BD, tu replonges dans les trucs que t'aimes bien. Et puis, du coup, c'était pas un moment désagréable. Donc, ça m'a pas pris énormément de temps entre le début et la fin. Par contre, en volume, tu vois, c'est un plan à 2 semaines, je pense. Par contre, je bossais, j'ai fait ça sur du temps libre, en dehors du temps de travail, sur les week-ends et tout. Donc, par contre, j'ai pas de volume d'heures à indiquer. Après, pour moi, l'intérêt de passer par leur appli, c'est que je trouve la pièce aujourd'hui, si j'ai des problèmes de riche, et donc j'ai une pièce dans laquelle j'ai mes étagères de BD, et donc quand je suis face à mon écran d'ordinateur, je vois toutes mes BD, donc ça permet de voir les séries, de taper directement sur le clavier de l'ordi et puis de dire ajouter toute la série quand t'as les séries complètes, un peu, tu vois, genre Brubaker Catwoman, les 5 tomes, tu les rentres en un seul clic parce que t'ajoutes toute la série d'un coup. Donc ça m'a pas paru extrêmement long. Après, le problème, c'est qu'évidemment il y a pas la VO et qu'évidemment il y a très peu de kiosques. C'est-à-dire qu'autant tu vas trouver les Justice League Rebirth et les trucs un peu récents de Urban, autant mes collections de Strange et de Titan, tu peux courir s'il y a 4 titans dans la base, c'est tout ce que tu vas pouvoir trouver, quoi. Mais je change régulièrement d'appli parce que j'ai tendance aussi à compléter des trucs et à aller chez les bouquinistes pour récupérer des vieux exemplaires de trucs que j'aurais raté à l'époque. Et donc c'est intéressant d'avoir quand même dans la poche la liste de tout ce que tu vas avoir. Et alors, la petite contrepartie, c'est évidemment la plupart des applis vont être payantes. Je sais que Sanctuary doit être encore gratuite, ils se sont posé la question à un moment, mais il doit être encore gratuit. Je sais que Bubble, moi, ça a été le frein pour moi parce que c'était une appli payante. Et en fait, il y a un système où tu débloques toutes les applications et tu passes en Bubble complet, soit en payant un abonnement mensuel, soit en achetant à travers l'appli. Et en fait, acheter à travers l'appli, ça te fait acheter chez BD Fugue de mémoire. Du coup, bon, bah, c'est pas tellement ton libraire de proximité, mais c'est pas non plus Amazon. Donc ça reste un compromis sympa. Les colis étaient plutôt clean. J'ai eu une fois une galère avec un colis qui était dégueulasse, le suivi a été bien. Et du coup, ça me permet là d'être illimité jusqu'à avril 2022, je crois, avec les achats que j'ai faits. Donc je verrai en 2022, en fait. Pour l'instant, je vais, comme tout est à peu près là-dessus, je vais rester dessus. Mais ouais, je sais pas comment je ferais si j'avais pas une appli pour suivre les trucs, parce que je sais que le Green Lantern 4 en DC Rebirth, enfin en Renaissance, la première série, j'avais pendant longtemps, je l'ai pas eu, et il était sur mes listes de trucs à acheter, et j'oubliais de la mettre à jour dans Sanctuary. Donc je l'ai acheté une fois, je l'ai acheté une deuxième fois, je l'ai acheté une troisième fois. Là, ça vaut le coup d'être pote avec un libraire, vraiment un vrai libraire d'une boutique, parce que tu peux lui ramener et dire ouais, je me suis trompé, je peux pas l'échanger et tout machin, ce qui est beaucoup plus difficile à négocier avec un GAFA, par exemple. Ah, tu vois, je trouve que le business model, on va dire, enfin en tout cas la proposition de Bubble, de si t'achètes par le biais de l'appli, c'est de l'affiliation, en fait, et c'est plutôt bien vu de leur part. Parce que je pense que voilà, du coup il y a pas mal de gens dans ton cas qui se sont laissés tenter par cette approche, parce que toi au final ça te change rien, tu payes ton bouquin le même prix. Mais par contre, eux récupèrent une petite commission par le biais de l'affiliation, et c'est une façon assez maline de faire de l'affiliation et de proposer derrière une extension de service à la personne qui joue le jeu de l'affiliation, quoi. Et il y a un système avec Bubble, du coup, qui permet, en plus de soutenir, et alors c'est mon petit combat, qui permet en plus de soutenir les libraires de ta ville, puisque là, moi, je les prends, c'était le confinement, donc je les ai effectivement pris en VPC et j'ai reçu mes colis envoyés par BD Fugue. Mais tu peux aussi le prendre en click and collect. Et donc, si le libraire de ta ville est affilié au truc, tu l'achètes sur Bubble, ça, toi, ça te fait tes 2 mois d'affiliation, et puis tu vas le chercher chez ton libraire. Pour toi, c'est transparent. Alors, je pense que le libraire doit payer une marge et du coup doit participer un peu aux frais du site pour être mis en avant là-dessus. Mais globalement, ça te permet d'avoir accès à l'application, de ne pas changer tes habitudes et de continuer à acheter chez ton libraire de proximité qui peut vite devenir un ami. Et du coup, bah, c'est cool. Ouais, grave. Et quand t'achètes via Bubble, comme ça, est-ce que ça la rajoute automatiquement dans ta collection ou faut que derrière tu tapes quand même la saisie à la main ? Il te demande. Alors il te demande est-ce que tu veux le rajouter automatiquement à ta collection, oui ou non ? En général, je mets non parce que j'attends que le colis soit arrivé pour tout ça. Et puis voilà. Et puis après, il y a le système pour gérer est-ce que ceux que t'as lus, ceux que t'as prêtés, est-ce qu'ils sont dédicacés ou pas ? Enfin, truc de base quoi. Il se dit, il manque vraiment que s'il y avait les kiosques, ce serait. Et la gestion des variants de cover, ce serait mortel. Et encore une fois, tu peux proposer des bouquins. À chaque fois que j'ai proposé des variants de cover, ils disent non, mais celui-là, on l'a déjà, ça va pas. Pouf, et donc, t'es refusé. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, voilà. Objectivement, ça marche bien et c'est plutôt cool. Ah non, c'est cool. C'est une bonne utilisation de l'affiliation, je trouve. Enfin, c'est une utilisation de l'affiliation qui va dans le sens de leurs utilisateurs. C'est pas juste affiliation, pognon, on gratte. C'est pas genre un code créateur, par exemple, que tu as dans un lien d'affiliation mais sur d'ailleurs, un podcast. D'ailleurs, tous les titres dont on a parlé ce soir, vous pouvez retrouver les liens d'affiliation en description du podcast. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour les acheter sur Amazon. Vers Amazon. Pour les utiliser via Amazon, bien sûr. Encore et toujours, Amazon, meilleur pourcentage d'affiliation du monde. Merci à la communauté. Merci à Jeff Bezos. Merci la vie. Et du coup, l'autre truc à faire avec les applis, moi, je suis pas mal l'actu. C'est vrai que moi, j'utilisais aussi Sanctuary parce que ça me permettait de dire... il y avait un calendrier avec les prochaines publications et ça te permettait de dire ça, je veux le suivre, ça, je veux le suivre. Et tu recevais une notification pour dire tel comics que vous avez envie de suivre vient de sortir aujourd'hui. Et à l'époque où je faisais des chroniques, c'était intéressant de pouvoir avoir une notification pour suivre les trucs qui allaient sortir. Ça permettait aussi de faire la planification des chroniques et de s'organiser. Et au-delà de ça, moi, j'ai été un peu traumatisé parce qu'on appelle entre nous le syndrome Panini et le fait que certains bouquins peuvent être vite épuisés et du coup, tu finis par ne pas trouver tes trucs. Et pendant très, très, très, très longtemps, j'étais l'acheteur Day One. C'est-à-dire que j'arrivais le mercredi matin pour certains éditeurs et le vendredi matin pour les autres, uniquement parce que je voulais avoir le comics le jour de sa sortie, quoi. Est-ce qu'on te trigger sur un petit point? Je sais que c'est un sujet sensible pour toi parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Tu dis ouais le vendredi chez certains éditeurs, sauf que fin day one, il y a certains libraires qui mettaient quand même les titres en vente à partir du moment où ils les reçoivent, donc la veille. Donc c'était disponible. Ah, putain, me chauffe pas là-dessus. Il y a deux. En fait, les éditeurs ont des jours de sortie. Urban c'est le vendredi. Voilà, Urban c'est le vendredi et du coup ça doit être Delcourt qui est le mercredi voilà. Et puis après en fonction du système de distribution, il y a des jours pour les libraires. S'il y a des libraires sur le chat et j'en vois, redites-nous, mais voilà, je sais plus tout à fait ce que c'était. Et donc au bout d'un moment, tu finis par savoir quels BD vont sortir quel jour précisément. Et donc moi j'y allais day one. Et c'est les libraires s'ils vont mettre en rayon des BD le vendredi, vous doutez bien qu'ils les ont pas reçus dans la nuit de jeudi à vendredi, ils les ont reçus un petit peu avant. Et putain, ça me rend dingue quand tu vois les mecs, genre le mardi, qui ont en rayon les BD du vendredi, ça me rend fou. Parce que tu dis, mais c'est. En plus, c'est un marché qui est régulé pour que tout le monde. Le livre, le prix est unique. C'est le même prix dans n'importe quelle grande surface ou chez n'importe quel petit artisan. Justement pour que les artisans puissent survivre et puissent ne pas se faire bouffer par les gros mastodontes de la distribution, comme ce qui a été le cas pour le marché du disque, par exemple, où il n'y a quasiment plus de petits disquaires. Bref. Quand tu vois des mecs qui sont défendus par une structure en tant que petit artisan et qui, eux, jouent pas le jeu de la distribution et essayent de niquer un peu les copains en disant ouais, non, mais moi, le bouquin du mercredi, je le mets le lundi. Voilà, je le mets le lundi. Ouais. Putain, c'est pas propre, quoi. Panini, Delcourt et Glénat, c'est le mercredi. D'après qui d'intrépide sur le chat. Et du coup, Urban, ça, avec Bliss, probablement, ça doit être le vendredi. Bref, il y a des dates de sortie pour vos comics, c'est oui. Et quand j'étais petit, je ne savais pas du tout. Anecdote, quand j'allais chercher mes comics au Relais H, du coup, il y avait marqué dans tes BD de Semic ou dans tes premiers Marvel France, il y avait marqué tes sorties du mois. Genre, en avril, va sortir ça. Mais il n'y avait pas de date. Donc nous, avec mon frère, on voyait les trucs qui devaient sortir. Et à partir du moment où on les voulait, bah, on y allait genre un jour sur deux. Quand elle était vénère, on y allait un jour vraiment, quoi. Et personne n'avait vraiment de date. La meuf du relais, elle pouvait nous voir tous les matins. Eh, vous avez reçu ça? Non, pas encore. À demain. Mais elle a pas fini par vous dire au bout d'un moment, parce que ça devait être pète couille, quoi. Bah, je sais pas, peut-être qu'elle n'avait pas les dates, ou qu'elle s'en foutait, ou qu'elle nous aimait bien, j'en sais rien. Et du coup, ouais, je disais, par rapport à la collection, on a parlé des collections, voilà, accumulation, je cherchais le mot. Et est-ce que vous, il y a une notion d'anticipation, c'est-à-dire de checklist au niveau des sorties, quoi sort quand, et du coup de prévision sur ben voilà, tel titre va sortir, donc je sais que voilà, tel jour, tu disais Matt que t'es dans les achats Day One, donc tu planifies quand même un petit peu les entrées dans la collection. En vrai, et c'est une porte d'entrée vers un des thèmes que je voulais aborder ensuite, quand j'avais oh du pognon, et on est bon, hein. Quand j'avais du pognon, ouais, je faisais ça. J'anticipais à mort ce que je voulais avoir et j'allais acheter Day One les trucs que je voulais et ce genre de choses. Et maintenant que j'ai un peu moins de sous et que donc je peux consacrer un peu moins d'argent à la BD, je suis... Tout le monde s'appauvrit dans cette émission, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment la déchéance. Mais c'est... Toutes d'ailleurs, ces femmes qui partent avec notre argent, c'est un scandale. Du coup, pour ne pas être frustré, j'essaye de moins suivre l'actualité parce que je suis un animal mimétique. Si je vois des trucs qui me donnent envie, je vais aller les acheter, tu vois. Si tu suis moins l'actu du jeu vidéo, t'as moins envie de jouer aux jeux vidéo, tu vois, c'est aussi bête que ça. Si tu suis moins l'actu des comics, t'as moins envie d'acheter de comics. Si tu veux faire un régime, eh ben, il suffit de pas acheter de trucs qui font grossir au magasin. Le régime, il se fait pas quand t'es face à ton frigo, il se fait au moment où tu fais les courses. S'il y a rien qui font grossir chez toi, tu mangeras pas des choses qui font grossir. Donc bref, non, je ne suis plus tellement l'actu, mais oui, à l'époque où je faisais notamment une chronique quotidienne, oui, il fallait vraiment anticiper les trucs. Et donc là, j'ai essayé de me démerder pour avoir les trucs au moins Day One et pour le jour de la sortie, pardon, et pour même pour les avoir un peu après. Après, le petit kiff, c'est toujours de recevoir des colis des éditeurs, donc des services de presse, et de les avoir 10 jours avant la sortie. Tu vois, est-ce que je peux le poster sur Instagram ou est-ce que ce n'est pas encore sorti pour les gens qui me suivent? Donc d'avoir voilà. Moi je suis pas acheteur Day One, mais sauf pour éventuellement de la préco en VO. C'est genre les trucs VO dont tu sais que ça va partir assez rapidement. Genre il y avait le numéro 100 des Tortues Ninja chez IDW. Ça je l'ai préco, tu vois, pour être sûr de l'avoir à la sortie. Mais après je suis pas en panique. Ce qui fait que du coup parfois je cherche des trucs, il y en a plus, et du coup ça m'énerve. Mais à part quelques exceptions, et c'est souvent de la VO. Ouais. C'est vrai que mes précommandes souvent c'est de la VO parce que je sais que ça peut rapidement disparaître. Voilà. Moi je suis exactement comme Matt, mais par contre quand j'achetais beaucoup de, à l'époque où j'achetais beaucoup de comics, enfin beaucoup, si, quand j'en achetais raisonnablement, on va dire, quand je les achetais Day One, c'était pas par peur qu'il n'y en ait plus. Moi, c'était vraiment ce réflexe enfantin, on va dire, de hype absolue et de « Ah, c'est quand qui sort ?»« Ouais, allez, maintenant, c'est aujourd'hui !» Et donc, du coup, je me précipite. Ah, toi aussi, t'allais au relayage tous les jours. Hein. Bonjour, madame. Voilà, j'ai précommandé une fois un single, c'était le Action Comics numéro 1000. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, on va se faire un petit plaisir. Je ne l'ai jamais lu, mais il est encadré chez moi, donc voilà, je suis content. Mais sinon, non, c'était uniquement pour des questions de hype et d'envie extrême d'avoir et de lire un bouquin que j'attendais. Et donc là, j'évite de me renseigner parce que déjà, à chaque fois que je tombe sur une info d'Urban, notamment, là, je sais que ces prochains mois, ils vont sortir plein de trucs et je suis mais dégoûté de pas pouvoir... Enfin voilà, donc j'essaye de pas trop regarder ce qui sort, comme Matt, en fait. Moi, ça m'a fait travailler ma frustration, même si c'est un peu exagéré. J'ai toujours été sur l'anticipation, à regarder un peu les sorties, ce qui allait arriver, quand, etc. Et à me noter, effectivement, à me dire, il y a ça qui sort tel jour. Il y a des trucs que j'ai zappés. Et pour le coup, c'est une bonne surprise parce que ah ouais, putain, il y a ça qui sortait cette semaine, c'est vrai que j'avais loupé, tout trop bien. Après, aujourd'hui, il y a des gens qui ont... On en voit plein sur les réseaux passés, notamment encore plus là avec le confinement, il y avait les fameuses piles à lire. Mais moi, j'ai pas tant que ça une pile à lire. Si, en plus, je mens. Mais j'ai surtout... Ah, quel fiefé menteur. De ouf. J'ai le mensonge juste à côté qui me regarde et qui fait « Menteur, on est là, on est là !» j'ai aussi une pile à achat. C'est-à-dire que les titres qui sont notés parce que sortant tel jour, et qu'on arrive ce fameux jour, et ah, ben non, j'ai pas les sous pour l'acheter, donc au lieu d'aller l'acheter, il passe dans la pile à achat. Mais ça m'a entraîné, parce qu'au début, ça me faisait vraiment chier de me dire, il y avait ce bouquin-là qui est sorti, et je voulais vraiment le lire, et du coup, je peux pas l'avoir. Là, aujourd'hui, voilà, je relativise, en disant, c'est pas grave, je pourrais l'avoir plus tard, sauf quand c'est, ou alors après quand c'est des trucs où je sais que c'est du tirage limité, où vraiment voilà, il faut aller vite, et encore je mets des guillemets parce que on a eu l'exemple, notamment le premier qui me vient en tête, c'est sur les Batman 5 ans noir et blanc, où dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, au final il y en a eu largement pour tout le monde. Après il y a aussi plein de chroniqueurs qui jouent la carte du dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, mais après c'est aussi oui, il y a c'est très accentué, mais même sur le chiffre en lui-même, tu vois, de mémoire, ils avaient été tirés à 5000. Alors après, bon, il y a sur cet aspect-là, tu vois, un truc qui moi me chagrinait un peu, c'est que dans les éditions limitées, à partir du moment où c'est un tirage limité, j'aime bien, truc con, mais avoir le numéro. Je sais que j'ai le 1597e sur 5000. Voilà, j'aime bien. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc limité, même si derrière tu fais une réédition avec Ro 5000, je le saurais peut-être jamais, mais voilà. Et là, sur ces titres-là, en l'occurrence, il n'y avait pas de numérotation. Donc, bon, on te dit que c'est 5000, mais s'il faut, il y en a eu 10 000, mais même si c'est que 5000, c'est là aussi que ça te fait relativiser sur la force de frappe du marché de comics en France. C'est que même si jamais il y en a eu que 5000, ils sont quand même restés plusieurs mois, malgré effectivement le battage de certains influenceurs plus ou moins bien intentionnés, disant vite, il n'y en aura pas pour tout le monde, dépêchez-vous, battez-vous, dans une semaine il n'y en a plus et ils seront revendus 250€ sur eBay. Mais surtout qu'en plus 5000, c'est un tirage monstrueux, hein, pour des comics en vrai. 5000 pour, enfin, surtout pour un tirage limité, un vrai tirage limité en comics, pour moi c'est moins de 1000, quoi. Dès que tu tires plus de 1000 exemplaires, t'es plus dans le tirage limité. Quand tu sais qu'il y a des éditeurs qui ont du mal à vendre 800 exemplaires d'un tirage normal, tu peux considérer que même si c'est du Batman et que ça vend bien, 5000 c'est déjà un tirage très conséquent, c'est pas un vrai tirage limité. Pour moi un tirage limité c'est des centaines, voire à la limite 1000 exemplaires. Mais dès que t'as dépassé la barre des 1000 exemplaires, on peut plus vraiment parler de tirage limité. Enfin, c'est 1000, quand il y en a 1000 en circulation, on n'est plus à l'époque de Action Comics où la moitié vont être recyclés en papier toilette, quoi. Les 1000 exemplaires vendus, ils vont être mis, en vitrine et ils seront tous toujours là dans 50 ans. Donc, en termes de plus-value, il n'y a pas de quoi s'enflammer et spéculer dessus, quoi. Le vrai tirage limité, c'est celui que tu fais après en financement participatif à la rigueur. Où là, l'éditeur dit, bon, on en fait imprimer 385 parce qu'il y a 385 personnes qui ont payé. Admettons que t'en fasses 50 pour les libraires. Et voilà, t'as ton compte ferme et tu sais où t'en es, quoi. Mais c'est vrai que, oui, les tirages à 5000 pour du comics. Les super-héros qui vendent le plus, c'est Batman et ils tapent dans les 10-12 000. Donc, 5000, c'est beaucoup. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est merci. Sympa. Ouais, merci beaucoup. N'empêche, notre premier blanc en 1h45 d'émission, on bat un record là. On peut ouais, puis on ne pourra pas monter en plus cette fois. C'est un scandale. Je voulais savoir sinon quelle était la place des toys et des produits dérivés dans vos collections. Parce que ça arrive très très très vite, il me semble. J'en vois dans l'étagère de Yanda, il y a des petites figurines de Batman derrière toi. Ouais. Moi j'adore toutes ces petites conneries. Je sais qu'il y a quelques pop qui traînent chez Chris. Du coup on va poser la question à Valentin, quelle est la place des produits dérivés, des toys, et puis par extension des originaux, des commissions, des dessins d'artistes. Qu'est-ce que tu as dans ta passion, qu'est-ce que la passion des comics t'a fait acheter? Alors t'imagines bien que vu que j'ai plus trop de blé pour acheter des comics, je vais pas acheter des trucs qui servent à rien en plus à côté. Cela dit, c'est un peu faux ce que je dis parce que à une époque je me suis de temps en temps j'achetais une petite pop ou deux, des trucs comme ça. Mais c'est pas très très fourni, hein. J'ai tant de mémoire parce que là je peux pas regarder là où je suis. Je dois avoir 4 4 ou 5 figurines pop. Si, là où je craque un peu mon slip, c'est sur les Amiibo de Nintendo. Donc, c'est des figurines avec des puces NFC. NFC, c'est ça. Dedans, qui te permettent en plus d'avoir des objets, des trucs, des bonus dans les jeux et tout, mais qui sont aussi des figurines que je trouve de très bonne facture, très jolies. Du coup, tu les collectionnes pour la figurine ou tu les collectionnes pour jouer sur console? Alors, avant tout pour la figurine, en fait. D'accord. Du coup, ça me sert aussi dans les jeux et c'est cool, mais c'est avant tout pour la figurine. Pour le coup, je les expose et tout, enfin, dans une vitrine et tout ça, parce que je les trouve vraiment jolies et je suis complétiste notamment sur les Amiibo qui concernent la saga Metroid, où je les ai tous et où je ne veux pas qu'il y en ait qui m'échappent. C'est-à-dire, s'il y en a d'autres qui sortent un jour, je serai pareil préco Day One. Quel homme de goût, ce Valentin. Ben oui, ben évidemment, j'ai le Metroid, l'Amiibo Metroid avec donc l'extraterrestre Metroid. Vous êtes fan de Metroid tous les deux? Bien sûr, Metroid, c'est énorme. On arrête ce live, on passe à une vraie émission intéressante. On va parler de Metroid. Attendez, vous rigolez ou quoi? Ah ben c'est sur ce, je m'en vais alors. Je quitte la... Mais grave. Bah oui. C'est génial. Bah voilà, le prochain épisode sur Yonda, le prochain sur Yonda. Pour en avoir parlé avec mes frangins, on a tous une histoire différente avec la saga Metroid, parce qu'il y a plein de types de jeux différents et tout, et grave, je serais ravi d'en parler avec vous dans une prochaine émission. Mais du coup, non, j'ai pas beaucoup de figurines. J'ai une figurine de collection Justice League, donc c'est Batman avec un socle Justice League. Pendant que vous ne le voyez pas là, mais Matt a un espèce de chibre en plastique sur sa bouche. C'est mon stabilo géant que m'a donné le Comic Con Paris quand j'ai été invité en conférence de presse. Et c'est ta jalousie que je sens à travers ce live. Un stabilo tout rose, c'est juste pour que tout le monde se représente bien ce que j'ai eu comme vision pendant quelques secondes. Non, mais c'est très utile quand on écrit des vidéos pour surligner les passages importants sur Wikipédia. Très important. Absolument. Ça m'a niqué mon écran. Placer lien affiliation. Placer code créateur. Du coup, non, j'ai une. Pour acheter des gros stabilos. Une figurine de collection qui est malheureusement tombée et qui donc a un morceau. Ouais. J'étais pas bien non plus ce jour-là. C'est un cadeau, donc j'ai pas vu mon fric s'envoler. J'ai vu le fric de la personne qui me l'avait offert s'envoler un peu. Après, j'ai pu recoller la jambe qui s'était barrée. Il manque juste un bout du costume au niveau des genouillères en fait qui s'est un peu barré. Mais bon, si tu le sais pas, tu le vois pas trop. Mais bon. Est-ce qu'on peut appeler cette personne ce soir? On ne peut pas l'appeler ce soir du tout. Je pense qu'elle s'en fout d'ailleurs. Elle était là au moment où la figurine est tombée. Et qu'est-ce que j'allais dire j'ai pas grand chose. Et comme ça a plutôt tendance à prendre la poussière et que ça n'a pas une grande utilité, c'est pas un jugement que j'émets envers les gens qui ont ce genre de choses. Mais du coup, moi, ça m'intéresse moins en fait. J'espère bien, hein. Voilà. C'est pas un jugement. j'ai des amis beaux et tout, et donc ouais, ça sert à rien non plus, mais je suis très content de les avoir. Mais voilà. Donc je suis pas trop là-dessus. Je suis pas trop dans ces trucs-là. Et si, par contre, pour les commissions d'artistes et tout ça, j'ai plusieurs. Alors j'ai encadré plusieurs magnifiques dessins, notamment de Laurent Lefebvre, de Nico aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je pensais à quelque chose, mais ça va me revenir. Mais voilà, mais c'est pas... Non. C'est pas hyper fourni non plus de ce côté-là. Voilà, les petits chats. Je te filerai une astuce pour les amiibo, mais on peut les craquer, en fait. Oui, je sais. Tu veux y jouer sans... Mais tu m'en as déjà parlé, mais comme, de toute façon, je préfère la figurine... pour son côté figurine que pour ce qu'elle peut apporter dans le jeu. Voilà. J'ai le même truc avec Disney Infinity, moi. Les amiibo, ouais. Les Disney Infinity, elles avaient un bon design, et du coup, quand le jeu s'est arrêté, tu trouvais les figurines pour pas cher dans les actions, dans les noz ou les trucs comme ça. Et donc, j'ai quasiment toutes les Marvel et les Star Wars que je trouvais un peu stylées. Et du coup, je peux pas jouer avec, mais c'est pareil, c'est juste parce que ça faisait les figurines un peu style à 1,50€. Je t'ai coupé, Chris. Ouais, non, je disais, je plus sois les Amiibo qui sont effectivement de très belles figurines, c'est pareil, je ne joue pas avec, mais je trouve ça très joli. Et après, moi, je suis pas, enfin, de base, je suis pas un gros dingue de figurines. Mon frère adore les belles figurines, et en fait, les plus grosses figurines que j'ai chez moi, parce que mon frère est en plus fétichiste des grosses figurines, donc il aime bien m'acheter des grosses figurines. Donc il m'a notamment offert le Shredder de NECA... Le Shredder du film 1990 des Tortues Ninja qui fait, je sais pas, qui fait 40 cm peut-être, 40, 50, je sais pas quelle taille ils font exactement, qui est assez fat pour mon anniversaire l'année dernière. Mais après, moi, je suis pas du genre à m'acheter de très grosses figurines parce que c'est pas trop mon délire, parce que ça prend de la place, parce qu'il faut faire la poussière, parce que comme le dit Valentin, ça ne sert quand même pas à grand chose à part être joli, et que bon, les trucs jolis c'est bien, mais c'est pas toujours très utile. Cela dit, je suis toujours fasciné par ces très belles figurines et ces statues qu'on voit dans les boutiques en général et que personne ne peut se payer parce qu'à 600 balles la statue c'est quand même un petit budget, mais moi ça me fait toujours penser tu vois, j'ai fait une vidéo où je parlais du rapport entre les super-héros et la religion, et quand je vois des, je sais pas, une statuette de je sais pas quel personnage comme Batman ou comme Superman, tu vois, qui fait 50 ou 60 cm, ça me fait penser aux statues des saints dans les églises, tu vois, enfin je trouve qu'il y a vraiment un parallèle assez dingue. Enfin, on est vraiment dans cette représentation-là où c'est tellement iconique que, et puis qui met ça après chez lui, déjà il a pas de chat, parce que moi j'ai un chat, donc c'est encore un point en moins pour avoir des figurines en expo chez toi. Et après, ouais, j'ai effectivement quelques pop, je suis en train de regarder parce qu'elles sont au-dessus de ma tête. J'en ai, je sais pas, une 25, 30, un truc comme ça. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de pop. J'ai eu une grosse phase pop, et je crois que là, depuis genre un an, je n'ai pas acheté une seule pop, parce que il faut avouer que on a quand même fait le tour un peu du sujet. Ils ont énormément de licences. Il y a des figurines que je trouve assez sympas. On pourra saluer Romain de Archeo Toys, qui vous expliquera pourquoi les pop, c'est une catastrophe, parce qu'en plus, ça pollue et que c'est caca. Mais... Non, voilà, j'ai pas un gros rapport aux toys et aux produits dérivés, je suis assez modéré sur ce sujet-là aujourd'hui. J'ai quelques figurines, mais finalement, elles sont pour l'instant dans des cartons, surtout faute de place en plus, donc... Ça ? Ouais, moi, je... Alors, c'est... les pop, j'en ai deux ou trois. Mais c'est, je me suis toujours trois, ouais. J'en me suis toujours refusé les pop. Je me suis dit c'est pareil, si je tombe là-dedans, ça va être vite n'importe quoi. Et comme en plus ils sont très malins en termes de tirage, les prix deviennent assez rapidement absolument indécents. J'ai craqué. Je crois que la première que j'ai craqué, c'était pour la Nightmare Batman de BVS. Donc c'est, voilà, c'est quand même assez récent. Et après j'ai acheté celle de Elliot Alderson de Mr. Robot et celle qu'ils ont sorti de Batman avec sa première tenue anniversaire. Voilà, c'est les trois seules que j'ai. De l'époque, je suis pas trop ça. Donc j'ai commencé quelques prodaires avec les Kotobukiya, qui sont en PVC pour le coup, mais que je trouvais en termes de rapport qualité-prix plutôt sympa, parce qu'elles sont très jolies, sauf la Gambi Shujo qui est scandaleuse, mais ça c'est très nippon dans l'esprit, mais les gammes classiques, enfin la Artefix Plus, je les trouve très sympas, et donc j'en ai quelques-unes, et je me suis fait deux plaisirs, c'est les DC Black and White, les Batman, donc il y a effectivement celle de derrière qui est derrière moi de Sean Murphy, et le Nightwing de Jim Lee qui est basé sur le design de Jim Lee dans Batman Silence, qui elles pour le coup sont en résine limitée, sont un petit peu plus chères, même si en les ayant précommandées je les ai eu à moins cher, mais c'est un investissement où vraiment plaisir, et j'aime bien les jolies figurines. Alors effectivement, je me verrais pas mettre des milliers d'euros comme les superbes figurines de Pride Moine ou certaines Sideshow, mais j'aime bien les jolies figurines et voilà les DC Black and White, donc autour des alentours de 70€ sur les précommandes, c'est vraiment le max que je pourrais mettre dans un Toys. Après commission et originaux, c'est pareil, c'est des budgets qui sont assez rapidement. Alors sauf si tu mise ou qu'en tout cas tu t'orientes vers des artistes semi-pro ou pas connus. D'ailleurs, c'est bientôt le moment de revendre du Nico, Yonda. Ouais, ben ouais. voilà, non, j'ai une commission de Tony Silas, qui est un artiste brésilien qui a officié sur la dernière série de Batman Beyond chez DC. J'ai un Nightwing de lui, et c'est la seule com que j'ai, et j'ai un original aussi, qui est une page de Nightwing Rebirth de Javier Fernandez. Pareil, que j'avais acheté à un moment où j'avais un petit peu de sous, et c'était avant qu'il explose littéralement, comme il a explosé depuis chez DC, et où ses planches ont triplé sur certaines, ou alors doublé par rapport au prix où moi j'ai payé le Nightwing. Et ça, c'était vraiment un kiff. Voilà, avoir un original d'un Nightwing, c'était pour compléter un peu ma lubie Nightwing-esque. Il fallait un original dans la collection, et l'occasion est arrivée au bon moment, mais je cours pas forcément après. Il y a Gigos qui contemple ta Sean Murphy derrière toi sur le chat. Ouais, elle la trouve formidable. Elle est très jolie. Elle est très jolie et la finition est cool. Alors après, c'est les DC Black and White. Donc, ouf, elles ont un socle. Et elles sont en résine, donc elles sont assez fragiles pour le coup. J'ai une Kotobukiya qui est tombée. Concentre-toi. Ouais, de fou. Tu imagines, tu l'as fait tomber pendant le live. Ah, je meurs. Franchement, je meurs parce qu'en plus, c'est des filles. Pose-la bien. Concentre-toi quand tu te retournes pour la projet. Voilà. De parler. Applique. Voilà. Merci. Voilà. Elle est posée. C'est bon. Hop. Très bien. Bouge pas. Très bien. Attention. Bah, tu vois, il y a typiquement eu dans le podcast de Kian Kojandi, à un bon moment, il a exposé ses figurines chevaliers du Zodiac et il a plusieurs invités qui lui ont littéralement défoncé. Et je sentais son intérieur se briser. Et je me disais, mais moi, il m'arrive un truc comme ça, c'est pareil. Je serais vraiment mal, quoi. Ils ont pété ces figurines. Ouais, il y a une figurine consciemment, enfin par Natou. Non, parce qu'elle était en mode Osef, c'est un jouet, tu vois, elle lui l'avait posé là en déco et elle l'a trituré un peu en ayant pour putain. Voilà. Et le truc s'est littéralement effondré et tu vois sur sa tranche que vraiment il a mal, quoi. Et elle lui dit oh, c'est bon, c'est qu'un jouet. Et il fait ouais, non, arrête. Enfin, ouais, c'est très rigolo à voir. Mais moi ça me ferait typiquement ouais ça sur ces figurines là qui pour le coup sont limitées, donc elles aussi les DC Black and White, à partir du moment où il n'y a plus, elle chiffre très très très vite. La première de Sean Murphy, parce que ça c'est la deuxième, il en avait fait une première, donc quand elles sortent, elles sont aux alentours de 70-80. Il en a que 2-3, mais il connaît l'histoire de la figurine par cœur. Non, mais elle a été sculptée par Pedro. Non, par John Matthews. Il y a deux sculpteurs sur ces séries-là, c'est John Matthews et Paul Harding. mais du coup, ouais, ben voilà, comme dit Nerawan, il y a effectivement une autre version de Sean Murphy qui était sortie avant, puisque la gamme DC Black and White, il y en a plein. Et la statuette, elle vaut aujourd'hui, si tu l'achètes d'occasion, c'est $300 minimum, quoi, parce qu'il y en a plus. Et du coup voilà, donc ça c'est vraiment les petits plaisirs, mais je fonctionne au coup de cœur et si ça tombe au bon moment, mais c'est pas forcément des trucs auxquels je cours après, les prodaires quels qu'ils soient, ou les commissions ou originaux pour ma part. Moi, j'ai acheté pas mal de commissions là dernièrement, pendant le confinement, pour j'achetais plus de comics beaucoup et puis je sortais plus, donc j'avais un peu plus de thunes et ça permettait de soutenir un peu les artistes. J'avais l'impression qui galéraient. Moi, j'ai des lubies en collection. J'ai beaucoup de personnages Green Lanternisés, par exemple. J'ai demandé beaucoup de commissions. Donc une commission, c'est tu demandes à un artiste de faire un dessin juste pour toi, et donc j'ai plein de. Je leur ai demandé de Green Lanterniser. J'ai une version Green Lantern de Wolverine, une version Green Lantern de Hellboy, une version Green Lantern de Captain America. Bref, ça permet d'avoir des trucs un peu uniques. Et puis, ouais, voilà, j'ai des petites marottes comme ça dans les commissions. Je vous ai raconté que j'ai un problème avec les figurines, que j'en ai une, il m'en faut 15. Du coup, j'ai eu une figurine Batman de Eagle Moss, les petites figurines en plomb. Donc bah, j'ai tous les personnages qui sont liés de près ou de loin à Batman aujourd'hui en figurine Eagle Moss, évidemment. J'ai vu il y a quelques années que sur des sites chinois, tu pouvais avoir des versions un peu custom de personnages de comics en Lego. Donc c'est pareil, j'en ai eu beaucoup d'un seul coup. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait les Lego, je m'en fous. Ça me fait pas triper d'exposer des Lego. Je fais pas partie de ces gens passionnés de Lego. Donc maintenant, c'est mon fils qui joue avec, tu vois. Il a Captain America, Hydra en Ego, par exemple. Et puis, j'ai quelques pop. La pop, en fait, c'est un peu un piège. Parce que c'est le truc un peu facile. Oh bah, t'es geek, on t'offre une pop. Alors, en fait, j'aime bien, tu vois. Je trouve ça cool, mais j'en achète très peu. Et du coup, y a plein de gens qui m'offrent des pop. Par exemple, Chris de Comics Raze. La dernière fois qu'il est venu à mon anniversaire, il m'a offert une pop. Et puis, deux pop, même. Deux pop, même. Et, ouais, tu sais, il y a un côté, quand avant... quand t'aimais bien la BD, on allait à la FNAC et on t'achetait cette BD qui s'appelait Je savais pas quoi te prendre, alors je t'ai pris ça. Je savais pas quoi t'offrir, alors je t'ai pris ça, qui était une BD genre BD d'humour à gros nez que tu mets aux toilettes. Et du coup, maintenant, bah, c'est les pop en fait, on savait pas quoi te prendre, on t'a pris une pop. Ah bah tiens, une pop de Spider-Man. Puis il y a tellement de déclinaisons que les mecs sont sûrs de. Non mais toi, t'as fait un effort. Toi, t'as fait un effort. Si t'es aux chiottes, avec les pop, c'est moins facile qu'avec la BD s'il y a plus de papier. C'est vrai. Ça dépend. Il y a une boîte sur les pop, il y a une boîte. Ouais, mais Yanda, c'est un survivaliste. Lui. Il a un filtre à café, il s'en sort. Lui. Sinon, après, moi, j'accumule plein de conneries. Tu vois, j'ai un seau Spider-Man, par exemple, et dedans, j'ai plein de je conneries. Je connais ça. J'ai un pez de Spider-Man que j'ai pas déballé. J'ai plein de McFarlane Toys. Alors, McFarlane Toys, c'est pareil. Les figurines McFarlane Toys, j'en ai acheté plein au début des années 2000 que j'ai tout revendu. Et maintenant, j'en rachète quelques-unes. Mais j'ai aussi des mini McFarlane Toys, tu vois. J'ai des versions toutes petites des McFarlane Toys que j'avais en grand. Puis j'ai les premières. Celle-là, c'est les premières McFarlane Toys. On peut faire des essais comparatifs, regarde. Ça, c'est le. Pour les gens qui nous écoutent en podcast audio, c'est pas très intéressant. Ouais, ça va être super. Mais là, j'ai dans les mains un petit Frankenstein qui est un peu moisi et qui fait la taille d'une main. C'est la première version de Frankenstein par Todd McFarlane. Mais. Où est-elle? Hop. Alors là, Matt se déplace dans son. On peut comparer avec la deuxième qui est sortie du coup, ça doit être en 2003, celle-là, et qui du coup est beaucoup plus grande puisqu'elle fait l'intégralité de la main. Et du coup, c'est l'autre Frankenstein de McFarlane, tu vois. Donc, alors je les garde les deux, puis je dis ouais, c'est parce que je suis un peu historien de la figurine, tu vois, c'est pour me souvenir et tout. Donc oui, moi j'accumule énormément de conneries. Et puis du coup, je les, tiens, regardez, hop, en général, je les accroche. Voilà, ah, donc elles sont en boîte et accrochées au mur. Donc ça, ce que vous ne voyez pas sur le podcast audio, c'est les figurines de Planetary par exemple, qui sont toutes les trois accrochées au mur. Et là, on parlait des trucs qui vieillissent et qui jaunissent. Le plastique des boîtes est en train de devenir tout jaune, un peu cradouille, et ben c'est pas bien, je suis pas très content. Et c'est pareil en McFarlane Toys, j'ai les figurines qui sont sorties pour les 10 ans de Image Comics. Donc il y a Savage Dragon, Ripclaw, Spawn et Shadowhawk en version Todd McFarlane, et il y a la boîte de Savage Dragon qui jaunit, qui est la seule sur les 4 à jaunir, et donc ça fait pas beau dans la collection quand on a une seule qui jaunit. Bref, donc j'ai oué le rapport à la collection aussi avec tous ces trucs là. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez, enfin, faut se soigner parce que ça coûte du blé et que pour le coup ça sert à rien, quoi. Mais ma petite boîte de figurines Hellboy au milieu de mon étagère Hellboy, elle fait plaisir, tu vois. C'est ça fait quand même partie intégrante de l'esprit de collection, tu vois. Quand t'as toute la série et que t'as les deux petites figurines qui sont à côté qui font bien, et bah c'est bien, c'est un peu content, quoi. Enfin, moi ça me rend un peu content. C'est le nappage, quoi. T'as le dessert et puis tu. Le petit supplément qui vient dessus. La crème chantilly sur la mousse au chocolat. Alors voilà, c'est une crème pâtissière faite maison. Donc. Voilà. Ça, c'est mon premier Spider-Man de quand j'étais petit, en 88. Du coup, la tête et les jambes bougent plus parce que je l'ai tellement pété que j'ai dû le recoller complètement. Mais voilà, il a plus de mains parce que je l'ai mangé, hein, pour ceux qui regardent en replay. Il a plus tellement de peinture sur la tête. C'est vraiment l'enfer. Et du coup, faut garder les boîtes, hein, évidemment, c'est plus facile. Pas forcément les garder emballées, mais faut au moins garder les boîtes. Simplement pour le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le déménagement. Comment est-ce qu'on fait? Parce que le papier, ça pèse pas lourd, une feuille de papier, mais une BD, ça pèse un peu plus lourd. Et plein de BD, ça pèse carrément lourd. Anecdote. La première fois que j'ai déménagé, que j'ai quitté la maison de mes parents pour mon premier appart à moi, j'avais trouvé en bas de chez moi une boîte qui venait d'installer des ordinateurs, et donc il y avait des très gros cartons qui étaient les cartons de leur serveur. Et donc je me suis dit, mais attends, c'est super pratique, des très gros cartons. Je peux faire rentrer toute ma collection dans deux cartons. Donc j'ai fait un premier carton, c'est la moitié de ma collection, et un deuxième carton, c'est l'autre moitié de ma collection. Ouais, et t'es content, tu vois que tout est bien rangé, et tu te dis ah. Oh, ouais, c'est trop bien. Et puis après, faut lever le carton et le mettre dans l'ascenseur. Eh oui. Et là, putain, le carton il te dit, je suis comme le marteau de Thor, tu n'es pas digne. Et t'as beau y mettre toute ta patate, le truc ne bouge pas d'un demi centimètre, quoi. Exactement. Alors que parce que en plus c'est piégeux parce que t'en prends un dans les mains, c'est léger. Donc tu fais pas forcément le calcul que plein de légers, ça fait un gros truc méga lourd en fait. Donc ces cartons, je les ai quand même comme un vénère parce que j'avais pas d'autres cartons, puis que je m'en suis rendu compte le jour du déménagement. Donc j'ai quand même réussi à soulever ces cartons, je les ai descendus pour les mettre dans le camion. On a fait la route avec, ce qui conduit à une deuxième anecdote qu'on racontera peut-être à un autre moment. Et ensuite, je suis arrivé à l'appart où je devais emménager qui était un quatrième étage sans ascenseur. Trois étages. t'arrives dans le salon et ensuite il y a un étage à l'intérieur pour arriver dans la chambre où je voulais mettre les comics. Et bah putain mon gars, l'enfer, l'enfer. J'ai jamais vécu un truc pareil. Mais t'étais pas tout seul à monter le un carton par si, exemple. Si un carton, j'étais tout seul. Ouais. Ah putain. Ouais ouais, c'était vraiment c'était chaud. Donc oui, les livres, vous le saurez pour plus tard, c'est beaucoup de petits cartons. Pas les gros cartons. Les gros cartons pour les livres, ça marche pas. Et vous pouvez l'astuce souvent, c'est de faire un étage de BD et un étage de fringues sur vos cartons pour équilibrer un peu le poids et voilà, et pas avoir des cartons trop légers et des cartons beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup trop lourds. Pour la petite histoire, cet appartement dans lequel j'ai galéré pour monter mes gros cartons de comics, j'ai dû le quitter genre 3 mois après quoi. Donc j'ai fait littéralement tout ça pour rien. Il y a Nerwan Nerwan qui dit sur le chat que le mieux c'est les cartons VO de chez Diamond qui sont top pour les déménagements apparemment, avec leurs petites ailettes pour les porter. Et je plus sois parce qu'effectivement ça m'est arrivé sur le dernier ou celui d'avant, je sais plus, et où j'avais pu récupérer chez mon libraire Pulse Bordeaux des cartons de VO de Diamond, et effectivement ils sont très bien, ils sont très épais et c'est top pour transporter les livres. Par contre, moi, il y a un truc, c'est que sur les déménagements que j'ai fait de ma collection, à chaque fois, il y avait une règle tacite, mais qui s'est imposée d'elle-même, c'est-à-dire que les cartons de BD, personne ne les porte à part moi. Je, voilà, c'est, je les charge, je les décharge, et voilà, c'était tacitement induit, donc voilà, ça a été parfaitement respecté, mais je préfère ça, parce que si jamais il y a un abîmage ou voire de la casse, voilà, je sais que je n'aurai le nerf que contre moi et je pourrai donc me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais laisser mon entourage libre de toute rancœur et énervage. Donc voilà, c'est sur tous les déménagements que j'ai eu fait avec ma collection, à chaque fois j'ai emballé, porté, déchargé et rangé après. Yanda, il fait deux déménagements. Il commence par bouger sa collection et après, il fait un deuxième déménagement où il appelle des gens pour l'aider à bouger les meubles et tout. Quoi. Non, non, en général, sur les cartons sont tous identifiés. Ils sont avec les autres et le jour du déménagement, alors quand il y a des gens, parce que ça aussi, c'est une autre anecdote. Ils sont sous barbelés. J'ai fait des déménagements où j'avais pas d'autres gens, en fait. Mais quand les gens arrivent, ils viennent dire, alors qu'est-ce qu'on prend? Ah, bête, je prends ça. Non, non, non, non. Ça, tu laisses. Je m'en occupe moi. Tu peux prendre cela à côté. Mais tout cela là, tout ceux où il y a marqué comics, BD et tout, ça c'est bon, c'est moi qui gère. Voilà, et donc en général c'était quadrillé assez rapidement. Sur le chat, Maximilien nous conseille des sacs cabas. Oui, je confirme. Et franchement, pour mon deuxième déménagement, je me suis dit, bon bah je vais pas faire la même connerie que pour le premier, donc sac cabas, et bah ça a roulé tout seul. J'en avais plein, hein. J'avais plein de sacs cabas chez moi. Mais genre les sacs que t'achètes là à 1€ à la caisse du supermarché, c'est de ouais, ça ouais, c'est ça ouais, c'est assez solide, il y a des poignées, et puis du coup bah ouais je pouvais mettre pas mal de hardcover dedans et les porter facilement, et voilà, c'était non ouais, hyper pratique les sacs cabas. J'ose même pas imaginer le volume de sacs qu'il me faudrait quoi. Ouais, mais voilà, j'ai pas la même collection que toi non plus, quoi, donc bon, forcément. Mais elle était déjà plus conséquente que pour mon premier déménagement, et j'en ai beaucoup moins chier pour le deuxième. Le mec se fait remarquer par les caissières et les caissiers de la supérette. Mais regarde-le, c'est la 4e fois qu'il vient aujourd'hui, il prend que des sacs, il est chelou. Valentin, il est à la caisse, il dit, je pourrais avoir des sacs, s'il vous plaît. Oui, combien vous en voulez? Bah, je sais pas combien vous en avez. Et donc, Matt, oui, j'allais dire, tu fais bien de dire que le déménagement se passe en deux fois, puisque personnellement, mon dernier déménagement s'est vraiment passé en deux fois. Il y a eu un déménagement bibliothèque, puis un déménagement du reste de la maison. Parce que, en fait, je pense que tous mes livres cumulés prennent plus de place que quasiment tous les autres trucs que j'ai chez moi. Et résultat, j'ai fait de mémoire une 60aine de cartons, des cartons pas très grands, hein, s'il y a que ça, adaptés, c'est pas des cartons type VO, mais enfin, c'est des cartons adaptés à des bouquins, quoi. C'est pas des gros cartons où tu sais qu'à la fin ça va être trop lourd. Et effectivement, je valide également la technique des sacs cabas de supermarché. parce que en plus c'est beaucoup plus modulable qu'un carton, donc selon le format des bouquins tu te galères pas, tu vois, à faire rentrer les, ça se module un peu à ce que tu mets dedans, et vu le volume que ça peut contenir, en fait ça devient lourd, mais tu peux toujours le transporter. Alors un sac cabas rempli de bouquins, c'est lourd, hein. Attention, si vous le remplissez de hardcover, c'est assez costaud, mais malgré tout ça reste un truc que tu pourras transporter facilement, et voilà quoi. Et en plus, si tu mets genre un peu de papier bulle dedans, ça amortit relativement les chocs, donc les bouquins, c'est presque mieux qu'un carton, parce que disons, comme ça bouge un peu, les impacts sont moins violents. Donc je valide le déménagement à coup de sac cabas. Et pour l'anecdote, c'est pareil, comme Yanda, j'aime pas trop que les gens tripotent mes bouquins, donc le déménagement de ma bibliothèque ne s'est passé qu'avec mon frère, qui est l'un des rares élus à pouvoir toucher mes livres. Et donc, ben lui, il n'était pas du tout content d'être élu. Hein, d'habitude, tu sais, genre, t'étais content d'être le héros, tu sais, genre, t'es content de, ah là là, c'est à moi qu'on demande. Et lui, pas du tout. Il m'a dit, je te préviens, tu ne redéménages plus jamais, parce que après 2 jours entiers à charrier des cartons de livres et des sacs. Ouais, on a fait ça sur 2 jours. On aurait peut-être pu tout faire dans la journée, mais on s'est dit bon, ne mourons pas tout de suite. Et donc on a tout charrié en 2 jours et on en a bien chié quand même. Ouais, pour le coup, quand même, ça. En plus, pour le lier à une anecdote personnelle, quand t'as une inondation qui te ruine complètement ta collection de cartons de déménagement, parce qu'au bout d'un moment, il faut avoir une collection de cartons pour déménager tous les comics, le sac cabas est un peu étanche, donc ça évite de le... Par exemple, quand t'as une fuite, ouais, tu vois, un si, lundi même matin si pleut, quoi, ouais, de cette semaine. Relativement... C'est ce que je veux dire. C'est le sac cabas est une excellente technique, effectivement. Ben, faudra que j'y pense. Et surtout que... C'est le moment de l'anecdote, de la deuxième anecdote de déménagement, non? Surtout qu'il ne me serait pas arrivé cette anecdote avec, avec un sac cabas, puisque dans ce déménagement où j'avais donc des gros cartons énormes, j'ai 20 ans à ce moment-là, je suis avec ma petite fourgonnette blanche que j'ai louée pour faire mon déménagement, et donc je suis tout à fait normalement arrêté par la douane. Hein, évidemment. Au moment où tu passes le péage, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez l'air un peu chargé, le camion a l'air lourd. Et puis bah vous avez une tronche passablement qui nous fait vous se poser des questions. Bah là-dedans, oui, il y a beaucoup de choses puisqu'il y a tout mon déménagement. Donc eh ben monsieur, veuillez ouvrir le camion. Ah putain. Ah putain. L'enfer. Donc j'ouvre la porte latérale. Là, mon équilibre instable dans le camion qui avait dû complètement... Ah tu sais, tu sens qu'au premier virage, la gravité a repris ses droits dans le truc. Donc, j'ouvre la porte latérale. Et là, littéralement, un des cartons de comics pète. Ah, putain. Et se déverse sur la chaussée. Tu vois une cascade de flotte ? J'avais une cascade de comics qui tombait. Bon, bah, avec les douaniers, on a ramassé tous les comics. Ils m'ont dit, non, mais c'est bon, on peut y aller. Et donc en arrivant, il y a un des cartons qui est un peu en vrac et du coup bah avec des comics qui sont jetés au milieu du truc parce que bah t'es sur le bord du péage et que bah c'est pas l'endroit où tu vas refaire ton l'intérieur de ton camion quoi. Ils étaient esquintés beaucoup esquintés ou pas plus que ça et de toute façon à l'époque j'allais emménager dans un là on est dans le fin fond des anecdotes perso. À l'époque j'allais emménager dans un appartement qui était partagé avec mon frère et son chien, qui visiblement était, alors je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui mange des comics, il doit être comicsophage, quelque chose comme ça. Donc il s'est chargé d'esquinter ceux qui n'avaient pas été esquintés pendant le déménagement. Super. J'ai des traces de petites quenottes de mon chat qui était mon chat qui était un chaton à ce moment-là qui m'a fait deux petites traces de dents toutes mignonnes sur une couverture d'un mensuel Flash c'était voilà du coup j'ai eu qu'un chaton puisqu'il n'a jamais dépassé cet âge-là voilà. Ouais, parce que si tu le nourris que de comics il peut pas grandir hein. Ah non, parce que je lui ai tordu le cou juste après, c'est tout. Moi, j'ai ma fille âgée de quelques mois qui m'a déchiré en lambeaux à un single que je venais de ramener de chez Pulps. un bon souvenir, c'était la pauvre, elle y était pour rien en plus. Je venais de rentrer, je pose le sac avec les bouquins dedans. Elle était vraiment toute petite parce qu'elle était dans ce qu'on appelle les trotteurs, donc c'est qu'ils ne marchent pas encore, mais ça leur permet de tenir debout et de tracer dans la maison. Et donc, elle était dans son trotteur. J'ai posé le sac plastique avec donc les comics à l'intérieur. Je suis allé poser mes affaires à l'autre bout de la pièce. Et là, je l'entends arriver et j'entends qu'elle secoue un truc et j'entends du papier, tu vois. Et là, je fais ah. Et je me retourne et je vois qu'elle avait dans la main quelques feuilles, du coup, du single restant. Et je fais je ne le lirai pas celui-là, donc c'est pas grave, ma chérie. C'est con, c'était The Wheel Stamp 23, c'est dommage. Non, c'était. Non, c'était il y a bien plus longtemps que ça. Non, c'était de mémoire, c'était un numéro. Je crois que c'était le tie-in de Forever Evil Arkham War. Un des numéros, enfin voilà, c'était pas un truc terrible en plus au final, donc je n'ai rien loupé. Mais contrairement à Valentin, tu l'as laissé grandir toi après ou pas? Oui. Oui, tout à fait, elle se porte comme un charme aujourd'hui. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train d'appeler Brigitte Bardot, le chat va bien, toujours vivant, pas de soucis, il se porte bien. C'est faux, voilà. c'est faux. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite névrose qu'on appelait la collection. Est-ce que vous avez des conseils pour terminer à donner aux gens qui voudraient se lancer dans la collection de comics, autre que fuyez pauvre fou? Ne vous lancez pas, achetez-moi. Voilà. Achetez-moi. Ouais, achetez-moi. Le budget que vous aviez prévu d'allouer à cette collection, allouez-le pour la mienne. J'en prendrai grand soin. Ah oui, d'accord. Offrez-moi des comics, d'accord. C'est ce que ouais, je veux dire. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion. C'est quand ton anniversaire, Yonda? C'est au mois de janvier. D'accord. Donc on le saura pour l'année prochaine. Ouais, le 2 janvier, du coup. Il y aura encore de l'estaminette le 2 janvier, non? Pour. Écoute, espérons. On peut espérer. Principalement du DC Comics, hein, c'est ça? Ouais, mais après en cadeau, je prends tout. Je suis pas très regardant. Au pire, tu revends quoi. Tu revends, ouais. C'est ça. Au pire, je revends avec un peu de spéculation. État neuf, jamais lu. Ce genre de truc. Épuisé. Les épuisé pages chez l'éditeur. Tirage limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Acheté via affiliation et code créateur. J'ai soutenu un créateur. Voilà, c'est la totale quoi. L'anniversaire de Val, c'est quand? Ça arrive, là, c'est bientôt. On peut faire des comics, t'aimes bien les comics ou comment ça marche? Ouais, non, c'est le 11 juin, mon anniversaire, et je vais changer de décennie, là, je rejoins deux d'entre vous. Ça se passe bien. Ouais, je me fais franchement, pas ça se passe. Oui, enfin, tu nous rejoins tous vers le... Je crois que tu es le plus jeune d'entre nous, donc tu nous rejoins tous, en fait. Tu t'approches inexorablement mais, de la mort. Mais, hein, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il arrive dans 30 ans et que... Voilà. Voilà. Et qu'il y en a un ici qui passe dans la décennie. Ah juste oui. On va peut-être avoir... Si, on va avoir quelques jours en commun tous ensemble dans la trentaine. Ouais. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est beau. Oui, enfin voilà, donc oui, anniversaire le 11 juin, j'aime bien les comics, je vais pas vous donner mon adresse parce que je tiens à ma vie. Non, mais c'est plutôt du côté de Rennes. Mais c'est plutôt du côté de Rennes, ouais. Absolument. La ville, un peu l'animal. Merci. C'est important de signaler. Du coup, Chris, un message aux gens qui voudraient se lancer dans les comics, c'est quand ton anniversaire et est-ce que tu as tous les comics avec Adolf Hitler ou est-ce qu'il t'en manque encore qu'on pourrait t'offrir? Il me manque encore Captain America numéro 1 avec Adolf Hitler, oui, parce que bien sûr, on parlera un jour de mon étonnante collection à base de comics avec Adolf Hitler dedans, mais non, je sais pas, j'ai pas vraiment de conseils. En fait, comme je le disais, moi, je collectionne par accumulation, donc si lisez des comics et après, vous allez pouvoir avoir une grosse collection de comics et vous la péter. Voilà, ça sera super. Et mon anniversaire, c'est en juillet. Mais ne m'offrez pas de cadeaux parce que j'aime pas trop qu'on m'offre des cadeaux. En plus, c'est souvent un peu mal choisi. Je suis un peu déçu et tout. Donc souvent c'est mal fait. Souvent vous êtes nul. Ouais, voilà les. Vous êtes nul de toute façon, pauvre mortel que vous êtes. Donc. Ouais, non, c'est vrai. Je suis pas trop. C'est vrai que j'aime pas trop qu'on m'offre des cadeaux. C'est la vérité en plus. J'aime bien faire des cadeaux aux gens. En vrai, j'aime bien surprendre les gens avec un beau cadeau, mais par contre, j'aime pas trop qu'on me fasse de cadeaux, voilà. On pourrait en parler, hein, c'est une belle névrose, ça aussi. Ouais, c'est fort probable. Mon psy, j'ai pas de psy, mais enfin, il adorerait. Moi, c'est le 3 juillet, et je suis comme Chris, j'ai un peu de mal à accepter les cadeaux. Et je vous conseille, si vous voulez tester les comics et avant de vous lancer dans la collection, de faire un tour dans vos médiathèques et dans vos bibliothèques, puisque souvent, on trouve des comics, même dans les bibliothèques universitaires, maintenant, c'est un peu moins... les comics ont un peu plus la cote, on est un peu moins des pestiférés, voilà. Donc c'est peut-être l'occasion de tester des trucs, tester des séries, de lire le numéro 1 d'une série et d'acheter les 25 volumes qui vont derrière. Et puis après, surtout, n'oubliez pas de prendre votre carte IKEA Family, car vous en aurez besoin pour acheter de nombreuses étagères, pour pouvoir stocker vos nombreux livres, et puis voilà, pour accumuler tout ça. Et l'autre astuce pour devenir collectionneur, c'est de se trouver une compagne, un compagnon, un amoureux, ce que vous voulez, qui soit conciliant. Un chat. Conciliant, voilà. Et qui puisse supporter la présence de cette collection, parce que c'est pas drôle tous les jours. Je sais pas vous, imaginez-vous vivre avec quelqu'un qui collectionnerait un truc que vous supportez pas, tu vois, par exemple, je sais pas, les joints de culasse. Tu vis avec les perroquets. Tu vis avec quelqu'un qui collectionne les perroquets et les joints de culasse, t'es quand même un peu emmerdé. Bon bah, mets-toi à la place de ta meuf ou de ton mec, il doit vivre avec ta collection de comics, c'est compliqué pour elle ou pour lui aussi. Bref, voilà, ce qu'il vous faut, c'est du temps, de l'argent, une bonne carte IKEA Family et un partenaire conciliant. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Merci d'avoir participé à tout ça, les copains. Merci. Bah, merci à toi. Merci. Comme d'habitude, ce fut un plaisir. On est toujours bien reçus dans cet établissement, même quand on change d'adresse. Forcément, je reviendrai. Exactement. Et puis, on se retrouve pour une édition un tout petit peu plus normale, uniquement en podcast, a priori, dans une quinzaine de jours. On va reprendre notre rythme de croisière normal. Il y a eu beaucoup d'estaminaires, là on a fait quasiment un épisode par semaine. On va plutôt passer à un rythme de un épisode toutes les deux semaines, donc un week-end sur deux, vous aurez une dose de l'estaminaire. Et puis, si vraiment on a de bonnes notes sur les plateformes de podcast, si vraiment vous abonnez, vous activez la cloche, vous êtes chaud dans les commentaires, si vraiment il y a du monde sur le Twitter, sur le Facebook de l'Estaminerd, si vous passez, si vous en parlez à vos amis, bon bah il n'est pas impossible que pris par la hype, nous fassions un petit peu plus d'épisodes. Mais pour l'instant, non. Car vous n'avez pas été très généreux en étoile. Donc pour l'instant, nous allons vous punir et surtout reprendre une activité normale, puisque comme tout le monde, nous avons été déconfinés et donc bah, le boulot a aussi repris ses droits. Donc pour l'instant, on va repasser à des épisodes de un week-end sur deux. Et puis voilà, on espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour un prochain épisode, prochain numéro de l'Estaminerd. Et comme d'hab, je me retire et je vous laisse conclure. Merci à celles et ceux qui étaient dans le chat également avec nous ce Exactement. Soir. C'était très cool d'avoir apporté vos opinions, avis, échanges, retours. C'est aussi les intérêts de ces épisodes en live, c'est qu'on est nous quatre à raconter nos histoires, nos avis et nos déblatérations. Mais vous pouvez participer aussi et c'est très très chouette. Donc merci à toutes et tous. C'était tout aussi bien de faire cet épisode que de vous avoir. Et tout pareil, comme Matt, à très bientôt, à d'ici une quinzaine de jours. Si vous avez envie de faire une collection, eh ben, faites-le, faites-vous kiffer. Hein, après tout, la vie est aussi faite pour être kiffée. Pour valoir le coup, il faut qu'on la kiffe. Donc kiffez. Et salut. Et là j'arrive chez mon libraire et qu'est-ce que je vois ? Il avait mis le bouquin en avance dans les rayons, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je vais appeler Matt, il arrive avec une lampe torche, il a éclairé le bouquin, il a dit toi, la couverture va jaunir comme au soleil, tu vas beaucoup moins rigoler ! Allez salut ! Finissons là-dessus, bonne soirée à tous.